fou. Les extrêmes. Ça nous anime. CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Paradis sera là pour nous parler de ses plaisirs de la vie dans les petits bonheurs. David Ferron aura de la musique franco à nous faire entendre avec la langue dans ton oreille. Et on aura la langue ailleurs dans le segment Kiki Sexy Time. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 10 avril 2013. Je m'appelle Mathieu Plante et je ne sais pas si tous les autres participants à l'émission d'aujourd'hui m'ont posé un lapin, m'ont laissé tomber parce que seulement David Ferron est en studio dès le début de l'émission cette semaine, aujourd'hui. Bonjour David, ça va bien mon cher? Ben oui, toi? Oui, content de te voir. Ben tant mieux, moi aussi je suis content de te voir. Puis moi aussi j'étais content de me voir ce matin quand je me suis vu devant mon miroir ce matin, j'ai fait comme « You look so great ». Yeah! Who's the Beau Bonham? Me. You. But donc, you, it's me, so me, it's you, so I'm not sure to understand. Are you my twin brother? Est-ce que t'es mon frère jumeau? Ou c'est seulement moi qui s'admire? Wow! Il y a la traduction simultanée de tes conversations avec toi-même. C'est quelque chose quand même. J'essaie de faire comme dans l'annonce. Ah, j'ai pas vu ça. Je parle à la référence, moi, là. Mais donc, c'est ça, on sait pas encore si c'est une blague, si les autres ont volontairement... ils savaient que t'allais venir dès le début, donc ils se sont dit, on va se présenter le plus tard possible pour laisser Mathieu avec David Ferron. Je comprends pas, je l'ai détesté jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la preuve du contrat. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on aura Stéphanie Paradis à 7h30 avec sa chronique Les Petits Bonheurs, et c'est la deuxième partie de sa chronique sur les émissions pour enfants. Tu sais, les émissions de notre jeunesse. Ah ben oui. Toi et moi. Oui, ça, c'est quand on parle de Pré-Pépouille, Sharky et Georges. Ouais, oh oui. Plein de trucs comme ça, les gens font comme de quoi tu parles. Mais oui, c'est qui ceux qui avaient la espèce, c'est comme des ratons laveurs avec des grosses. Il y en avait qui avaient une corne, tu sais, en avant. C'est des ratons, les amis ratons, je pense. Hein, ah oui, c'était bon. C'était bon. Donc, à 7h30 avec Stéphanie Paradis. Ensuite, à 8h, David Ferron, qui est avec nous dès le moment présent. Tu vas avoir une chronique, en fait, qui était basée sur un concept qui tombe à l'eau si personne d'autre est là. Hein? Ben non, parce que en fait, le privilège, c'est que toi, ou à moins qu'on demande... à l'auditeur, fait, ben oui, à 7h15, c'est 7h05, c'est sûr que ça va marcher, ça. Ben peut-être, on le sait pas. En fait, aujourd'hui, je manque d'imagination. OK, pourtant, t'es un gars qui est rempli de créativité, t'as le cerveau rempli de soupe. Ouais, mais regarde, Gustave est mort fusillé, puis Marie Melon est à l'hôpital. Attends, donc... on va donner des faits que les gens ne savaient pas. Donc, les triplés Siamois, anciennement Siamois, plus maintenant. Oui. Donc, David Ferron, Gustave Lafenêtre et Marie Melon. Gustave Lafenêtre, il y avait eu une péripétie autour de ça. David et lui avaient essayé de se tirer, etc. C'est super compliqué. Et là, donc, il est mort. Ben qu'on oui. Pense. Oui, il est mort. Ben, j'ai vu des photos de lui le 1er avril dernier où il avait kidnappé la page Facebook de David Ferron. Ouais. Puis en plus, il sortait avec Stéphanie Paradis. C'est vrai, il s'était mis en couple, in a relationship. Là. Ouais. J'ai des doutes, là. J'ai des preuves. Est-ce que t'as le certificat de. Un peu comme Barack Obama a dû montrer son certificat de naissance. Est-ce que t'as le certificat de décès, là? Non, j'ai pas ça. Non. Bon, en tout cas, ça laisse la porte ouverte, là. Ben, en fait, l'imagination est tellement plus puissante que la réalité, parfois. C'est vrai, dans ton cas. Hein. Veux-tu d'autres clichés? Ah, ça va. Alors que Marie Melon est à l'hôpital, tu viens de dire. Ouais. Pourquoi? Et en fait, ça a l'air que c'est assez particulier, parce qu'à un moment donné, si je comprends bien, Marie Melon a essayé d'attraper un pot qui était à 2 mètres d'elle. Elle a essayé de sauter, sauf qu'on connaît... ses petits bras. Ben, elle est une enfant de la thalidomide, donc les mains attachées directement au sein, ouais. Avec des petites tétines au bout. Ça peut être difficile d'attraper des choses. Donc, elle a essayé d'attraper quoi? Un verre? Ben, un verre qui est à 2 mètres d'elle. Donc, elle a pris, elle a sauté initialement, ça n'a pas marché, donc elle décide de prendre une chaise. Okay. Sauf que le problème, c'est que là, qu'est-ce qui arrive? C'est assez particulier. C'est que là, elle arrive à avoir le pot, sauf qu'étant donné la proximité des bras avec son corps, elle met... sa tête tombe dans le pot. Non. Sauf que sa tête reste prise dans l'ouverture. Elle a une petite tête. Ben, tu sais, il faut dire, elle a une petite tête, les mains attachées au sein et les pieds attachés aux fesses. Donc c'est vraiment un petit... Oui, donc elle s'est asphyxiée avec le pot. Wow! Oh non, mais là, t'as l'hôpital, elle pourrait s'en sortir. Hein. Oui, puis ça a l'air qu'elle... On espère qu'elle s'en sorte ou est-ce qu'elle est proche de la mort? Ben, c'est pas la première fois que ça arrive. Ah, bon. Non, elle m'a donné, elle a essayé, je veux dire, de boire du lait. Puis, c'est ça, puis elle s'est étouffée. Je sais pas, elle a de la misère avec le liquide. Elle a l'air bien experte avec le liquide, mais des fois, là... Mais tu vois, je pensais qu'elle buvait son propre sein, étant donné que ses mains, après ses seins, ont des petites tétines à chaque main. Donc, vu qu'elle est enceinte, en plus... Ah ouais? J'imagine que, ouais. Mais tu m'apprends là. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, elle va faire de la lactose à travers ses petits doigts de main. OK, puis j'espère que la vie du bébé n'est pas en danger. Je sais pas. Ah, je vais devenir mon oncle. Ben, peut-être. Ah. Ouais. Ben, le fun. C'est le fun à savoir. Donc, voilà pour cette intro d'émission pour aujourd'hui. Ça valait la peine d'être tout seul pour ça. Mais vu que je manque d'imagination, c'est toi, Mathieu, qui dois trouver le thème de ma chronique. Et s'il y a des auditeurs qui ont des idées, vous pouvez nous appeler au 819-376-5183. On attend votre appel, 819-376-5183, pour déterminer le thème de la chronique de David Ferron. Et il présente tout le temps la musique francophone, mais sur un thème cette fois-ci. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être les Amiratons. Ça peut être les Saints. Ah, okay. Mais pour l'instant, on débute avec une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Voici André Papanicolaou avec You Can't Lose If You Don't Play sur l'album Into the Woods, Out of the Woods au 89.1 FM. C'est fou. Bonne émission! You can't lose if you don't play. You can't lose if you don't play. And you can try your best to win. But best get out the way. You can't lose if you don't play. You can't lose if you don't play. Hey. You can try your best to win, but best get out the way. I got terrified along the way. Nothing but trouble lay. But oh, I swear I did my best to prepare. Oh, I got lost, I don't know. You can't lose if you don't play. Hey. You can try your best to win, but best get out the way. Now what the hell's so wrong about breaking even? I say what the hell's so wrong about breaking even? Always seems that once you get started, but oh, pas tout seul, mais j'étais avec David, fait que ça compte pas bien. Toujours Assemblage Requis, c'était André Papanicolaou avec You Can't Lose If You Don't Play, Whist and Pin, David. Je disais que j'aimerais mieux tout seul qu'être avec toi, c'est une blague. Wouh! Colin, ça frappe fort, ça. Il a le regard vide. Moi, oui. Non, mais qui est cette voix? Le regard d'un tueur. David Ferron, qui est là depuis le début de l'émission. Et là, vous avez entendu la voix de Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Co-animateur oui. de l'émission, apparemment. Arrivé à Edis. C'est ça. Stéphanie Paradis. Oui, salut. Qui est toujours là avant l'émission, dans mon bureau à m'attendre. Excuse, mais c'est mon bureau aussi. Dans mon bureau que tu t'es approprié parce qu'on a perdu ton bureau. Donc, les deux sont arrivés pour décider avec nous du thème de la chronique de David, parce que David Ferron qui disait qu'il n'y avait pas d'imagination. Est-ce que tu es prêt à parler, là? Donc, David n'a pas de créativité, pas d'imagination. Vous devez ensemble, Stéphanie et Jean-Philippe, qui sont arrivés ensemble ce matin, donc symbiose, en ce mercredi 10 avril. Ah, mais ça, c'était la magie du cinéma, hein. On n'est pas vraiment arrivés en même temps. Ah, mais quand la porte est ouverte, vous êtes rentrés en même temps. Avec la boucane. Fait que, pareil comme Guy Mongrain et son assistante à la Poule aux odeurs. Ah, France Baudouin a déjà été assistante. Oui, Claudia Bachère aussi. Pour vrai? Eh oui. Wow. Donc, thème. Quelle conversation. Des idées de thème pour David. Mm-hmm. Mais on pourrait parler de lutte. De lutte. Parce qu'il y avait le regard d'un tueur. Oui. Mm-hmm. Moi, j'avais dit les seins. Moi, mon fond d'écran m'inspire, je dirais les bananes. Donc, on a seins, on a lutte, on a bananes. Est-ce que tu préfères un seul thème ou est-ce que tu peux faire un amalgame dans ton bloc avec seins, bananes et lutte? Seins, bananes et lutte. On s'entend qu'il y a quelque chose autour de ça. Là, ça a bien de l'allure. Oui. C'est comme le lutteur pourrait finalement marcher sur une peau de banane. Et s'enfarger et tomber sur les seins de la présentatrice. Claudia Bachet. Et la lutte. Et mourir étouffé. Parce que sont refaites. Bon, ben, finalement, on t'a trouvé un thème puis on a fini. On a épuisé le thème. On parle d'autre chose. C'est-à-dire que David doit écrire une chanson à ce sujet-là. Et en plus, tantôt, il parlait que la vie était donc difficile. Essayer ça. On dirait une chanson. Mon cœur saigne, tu disais, genre. Ça ressemblait à une chanson country, ça. Ben là, c'est quoi, vous voulez que je vous compose une chanson c'est quoi? Ça. Ben, c'est toi qui as demandé des idées. Hein. Ouais. Mais ça, c'est de ma faute, je pense que j'ai fait de la peine, parce que je voulais dire salut en onde. Moi, je l'ignore totalement hors d'onde. Mais hey, bonjour David. Bonjour. T'es vraiment resplendissant aujourd'hui, t'es beau. Toi aussi, Stéphanie, quand je te vois, c'est comme si le château de Versailles illuminait par lui-même. Oh! Par lui-même, wow! Sans besoin de lumière, ça veut dire qu'avec le reflet de la lune, mettons. Juste par son charisme, Stéphanie éblouit la France entière et le monde entier. Wow. C'est parce qu'il y a des déchets radioactifs dedans. Hop. Moi, ça, au château de Versailles? Non, le château. Bref, c'est une vraie Margaret Thatcher. C'est ça? Elle est morte? Ouais. Non. Elle est pas morte pour vrai? Stéphanie, non. Margaret Thatcher. OK, Fuse, je suis rassuré. Bon. Donc voilà, David, on te reparle d'ici 8 heures, tantôt pour ta chronique La langue dans ton oreille. T'as un bon 45 minutes pour trouver tes chansons. Pendant qu'on enchaîne avec la chronique préférée de Stéphanie, on l'a su, elle m'a dit, parce que j'arrêtais pas à chaque semaine de dire, bon, tu sais, je disais, King Sex Time, c'est la chronique préférée de Stéphanie Paradis, parce que ça parle de sexe, tu sais, bon. Mm-hmm. Tu sais, si j'avais pu parler d'alcool, ça aurait été sûrement ça, sa chronique préférée. Ah oui, là peut-être. Donc deuxième place, le cul. Mais apparemment, non, c'est les gadgets inutiles à se procurer avec l'argent qu'on n'a pas. Wouhou! C'est ça existe, mais ça devrait pas. Là. Pas celle-là, non, pas celle-là. Ah, oh, mais bonne cette intro-là, je vais en mettre pareil, mais c'est pas celle-là. Attention. Non, faut que tu mettes mon intro. C'est l'ancienne chronique de Jasmine. C'était bon. Mais c'est pas l'intro qu'on cherche. Non, ce n'est pas l'intro que l'on cherche. Celle que l'on cherche, c'est celle-là, ici. C'est ça, c'est vraiment là. C'est ma toune. Moi, je me l'aime, cette intro. Oui, hein? Mm-hmm. Ça existe, mais ça ne devrait pas. La chronique des gadgets inutiles, la chronique des solutions à vos problèmes de la vie de tous les jours, la vie courante. Il y en a tellement des problèmes. Des fois, on en cherche, hein. Des fois, on trouve la solution et on se dit, mais c'était quoi le problème qu'elle avait? Uh-huh. Comme, mettons, on a déjà parlé dans la chronique de faire de la mousse sur sa bière. Hein? Mm-hmm. C'est vrai, et on avait trouvé une tasse qui shakeait à l'intérieur. Il y avait comme un truc qui faisait faire de la mousse dans la tasse. C'était quelques semaines de ça. Dans ce cas-ci, c'est un gadget japonais qui est une surface qui s'appelle le Sonic Hour. Et vous mettez le verre dessus et par des trucs là, ultrasoniques, là, ça va créer de la mousse dans votre bière. Ça va sûrement la rendre un petit peu plus plate. Ben, tu sais, d'habitude, c'est pas le but d'en avoir le moins possible. Pour avoir le plus de bière, possiblement. Hein, Steph? Je fais juste dire... Oui? Excusez. Hein, Steph? J'ai un problème de connexion, je vois rien. Oh non. Non, mais ça a l'air qu'il y en a qui veulent avoir un col de mousse, que c'est bien in, là. Ouais, c'est bien, bien in. Je sais pas, moi, j'aime pas ça avoir une moustache de mousse quand je bois ma bière. Ou encore une moustache de mousse. Non, non. Une mousse. Combinaison des mots. OK. Une moustache. Pêche. Moi, je suis pas fan de moustache en général dans la vie, de toute façon. Ça pique, hein? Donc, c'est le Sonic Hour par Takara Tomy, une simple base de plastique sur laquelle on place son verre. On appuie sur un bouton et on laisse les bulles brasser. Ça coûte 40$ pour l'essayer vous-même. Tu checkes ta bouteille avant, ça fait-tu pareil? Ah, mais là, ça nécessite pas nécessairement une bouteille de bière. Ça pourrait être, je sais pas, une canette versée dans un verre. Ou une canette aussi, ça explose? Ouais. Tu brasses. Il n'y a pas grand place pour brasser ça, la canette. Pourquoi tu donnes trois petits coups sur ta canette d'abord avant? Trois petits coups sur le dessus de ta canette. Plein de mousse. Aïe, aïe, aïe. Four love bubbles. Toujours dans le domaine de l'alcool. Hein, Steph? Oui. Protéger votre pense à moi. C'est ta conique aujourd'hui. C'est ta préférée. Donc, c'est comment protéger votre bière. Parce que, bon, les voleurs, c'est bien beau. Ils peuvent venir voler votre bière. Il hein, y en a qui pourraient mettre la drogue du viol dans votre verre. Mais ce qu'on veut pas, c'est que quelqu'un poignarde votre bière. Surtout pendant un jeu d'escrime. Surtout pendant un jeu d'escrime. Exactement. C'est pour ça qu'il faut commencer par porter l'habit du joueur d'escrime. Comment on appelle ça? Un escriminel qu'on avait déjà déterminé à l'émission. C'était pas drôle à ce moment-là, puis ça l'est toujours pas quand tu racontes le fait qu'on avait dit que c'était un escriminel. Mais bon. Et pourtant, je crois que c'est le terme qu'on avait cherché pendant un bon 2 heures, qu'on avait réécouté l'émission au complet 2 fois pour trouver le jeu de mots. Chez nous, évidemment. Oui, oui, c'est fait. Pas à job, quand même. Non. Moi, je l'ai réécouté en travaillant. En tout cas. Non, c'est ça. Donc, un escriminel va porter son habit et va ensuite porter sur sa bière ce genre de cozy. C'est un cozy, c'est une affaire pour mettre une bière là, ou un verre dedans, mais qui est fait en cuir et en cotte de maille. N'est-ce pas magnifique? Donc, c'est Doug Fungus qui nous a créé cet improbable scénario. C'est joli. Protection pour, maximale. Pour les grandeurs nature, camoufler c'est ta bière. Ça. Ouais. Les jeux de rôle avec des humains, là. Donc, c'est moyen, c'est moyen. Ensuite, votre problème est avec votre téléphone cellulaire. Quand vous le branchez dans le mur, il y a tout le temps le fil d'un jambe. Tu sais, on a déjà découvert, on a déjà parlé de gadgets qu'on pouvait insérer. Il y avait un dock qui se branchait dans le mur, tu branches ton iPhone. Puis là, ton fil, il était quand même par terre. C'est quand même déplacé, désagréable. Donc, ce petit produit-là, le Monkey O, tu vas pouvoir attacher ton fil autour de son sac à dos, donc en arrière de lui. Oh. Et à l'avant, il y a des mains qui vont tenir ton iPhone en place. Donc, ton téléphone va être branché dans le mur, va vivre dans les airs et le fil sera pas dans les jambes. C'est cute à mort. Malade. Donc, c'est le Monkey O. C'est son nom par la compagnie Felix. En ce moment, c'est sur Kickstarter, donc on ramasse de l'argent. Et ils sont presque rendus à leur but. Ils ont 12 500$ à atteindre. Ils sont rendus à 8671. Il reste 8 jours en date d'aujourd'hui, mercredi. Donc sûrement que d'ici la fin de la semaine, ça va être pas mal proche. On va pouvoir le commander. Ouais, Monkey O. Ensuite, on aime le bacon. Je pense que c'est connu. Qui n'aime pas le bacon? David n'aime pas le bacon parce que... J'aime pas les gommes au bacon. T'aimes pas les gommes au bacon? Mais j'aime le vrai bacon. Oui. Bon. Oh, Colin, je m'attendais à avoir un résultat contraire. C'est David est tellement différent et spécial. Ben, j'aime bien le bacon le matin avec des œufs, deux toasts, avec du sirop d'érable, puis avec des beignes aussi. C'est le repas du gourmand, mais à tous les matins. Ah oui, moi je suis très gourmand, ça paraît pas, là, mais... Non, non, parce que t'es en forme de... Slim! Pas de curpip, parce que c'est Jean-Philippe. Faut que ça rime, les surnoms, faut que ça rime, Jean-Philippe. Moi, je suis tout qu'un curpip. Curpip. Ben, t'es très doux. Oh! Et un petit peu piquant en milieu. Oui, juste en haut. Puis je goûte tout le temps la menthe. Et voilà. Un tout petit peu. La menthe? Curpip, non, c'est vrai, ça, c'est les cure-dents. Mais David, ça pourrait être un cure-David. Un ah non, on veut pas nettoyer David avec un bâton, on veut pas ça. Puis vous voulez pas m'avoir entre vos dents. Déjà qu'on t'a dans l'oreille. Est bonne. Bien joué, bien joué. Donc, on aime le bacon pour revenir à notre sujet. Et maintenant, c'est des biscuits en forme de bacon parce que tu veux baisser ton cholestérol, tu surveilles ton poids, tu surveilles ta ligne. Mais... Ben oui, tu surveilles pas ton diabète. Non, sucre, c'est pas du gras. Puis, tu veux te faire croire que tu continues à manger du bacon. Ah, c'est rempli de secrets et de transparence, tout ça. Donc, du bacon, c'est bien, bien bon. Des biscuits, c'est aussi très, très bon. Donc, pourquoi ne pas faire des biscuits au bacon? Donc, c'est des biscuits faits à la main avec du colorant alimentaire cuisiné par Jennifer de Not Your Mama's Cookie, qui est un site web. Donc, ce qui rend ces biscuits différents de d'autres biscuits à saveur de bacon, c'est que celui-là a vraiment une forme de bacon. Elle a réussi à le faire en vague, comme un vrai bacon. C'est quand même réaliste. C'est très beau. Et la recette est disponible sur assemblagerequis.com. Le lien est là, parce qu'on ne peut pas l'acheter. Là. C'est rare que je fais des produits qu'on ne peut pas acheter dans cette chronique-là, mais quand même, je le trouvais trop intéressant. C'est du bacon. C'est du genre de bacon. Mm-hmm. Genre. Un jour, peut-être que son commerce sera assez grand pour qu'elle puisse en vendre à grande échelle. On est fan de bière aussi, hein, Steph? Mais cool! Donc, mais de la bière, c'est tout le temps en plate, en canette. On sait, Jean-Philippe, aux soirées cachées, tout le monde débouche sa bière. C'est nouveau, il y a des bières aux soirées cachées. Mm-hmm. Prochaine 18 avril, d'ailleurs. Ben oui, justement. Ben, c'est pas encore c'est qui, quand même. Vous verrez. Voilà. Et donc, quand on enlève, ça fait tout le temps... c'est fatigant, tout le monde piche en même temps. Puis là, tu bois, puis c'est comme... Tu peux pas l'avaler, tu peux pas faire... Il y a tout le temps quelqu'un qui ramasse les pinouches. Là. Tout le temps, pour donner aux handicapés. Puis les handicapés, on en a assez parlé, puis on les a assez aidés. T'auras pas ma pinouche de bière. C'est ça, je la garde pour moi. Donc, c'est une canette de bière d'une compagnie bien spécifique, là, mais que son dessus s'enlève un peu comme une canne de soupe. Tu sais, les cannes de soupe avec le pop-top? Ouais, je pensais que t'allais dire une canne de bouffe à chat. Un peu, dans le même genre, aussi. En fait. Oui. Si votre chat aime la bière, là... Hein? Faut s'y méprendre. Gâtez-le. Donc ça, c'est des cannes avec le dessus qui s'enlève par la Sly Fox Brewing Company. Très, très bonne idée. Brian O'Reilly, qui est le chef brewer, donc comment tu dis, brasseur, chef, si on veut, de la compagnie, qui explique que la modification permet à la saveur et l'arôme de la bière de se rendre jusqu'à tous les sens du buveur. Donc tu la vois, hein, maintenant. Tu la goûtes, tu la touches, si tu veux mettre ton doigt dedans, comme tu veux. Tu la sens, évidemment. Puis qu'est-ce qui restait? Tu la goûtes. Ouais. Comment ça? Puis tu l'entends pétiller. Ah oui, c'est ça, tu l'entends. Voilà. Louis. Ça, c'est de la bière qui pétille. Ou c'est quand tu l'ouvres. Oui, ça fait ça. Ouais. C'est des grosses bulles. Donc, c'est une canette spéciale et de la compagnie, comme j'avais dit, Sly Fox Brewing Company. C'est leur modèle Hell's Golden Lager, donc une lager dorée. Disponible dans leur magasin de Pennsylvanie, New York et New Jersey. Donc, vous allez pouvoir sûrement, j'imagine, retrouver ça plus tard un petit peu partout, mais ça s'en vient. On est à l'avant-garde, même des canettes de bière. Si vous avez des enfants, et que vous voulez décorer leur mur avec une petite lumière, mais que vous voulez pas avoir à passer des fils ou, tu sais, un truc comme ça. Pourquoi les enfants? Ouais, OK, les adultes, si vous êtes enfants de cœur, si on veut. Parce que c'est des trucs de super-héros. Par exemple, je sais pas, le bouclier des Avengers, la main du Hulk, le marteau de peu importe Thor, je pense que c'est Thor, oui. Bien ouais. Sûr. Donc, et ça vient avec une genre de simili-crack, OK? Donc, un autocollant crack que tu installes sur le mur et la lumière est vraiment en 3D. Là, c'est pas un collant. La lumière en tant que telle, ça dépasse du mur. Et puis, il y a... en fait, je sais pas si c'est un collant. Ça doit être vissé, j'imagine, pour que ça tienne. En tout cas, bref, peu importe. Mais dedans, il y a une lumière LED, très, très haute capacité, donc longue durée de vie. Et donc, vous allez allumer la lumière. L'objet va flotter dans les airs et va être illuminé. Et en plus, ça a l'air d'avoir cassé ton mur. Ah, c'est très cool. Vraiment génial. C'est disponible chez Target aux États-Unis. Peut-être chez Target au Québec quand ça va ouvrir, on sait pas. Mais bon, bref, c'est 3D Light FX, c'est le nom du produit. Ensuite, si vous avez un téléphone et que vous aimez vous servir d'une application de lampe de poche, on a tous ça. En tout cas, moi, j'en ai une. Je l'utilise le matin quand je me lève. J'ouvre ma flashlight dans mon iPhone, la petite application. Mais non pas... C'est parce qu'avant, je prenais mon écran, je l'allumais, puis c'était pas assez lumineux, juste l'écran. Non. Le petit LED en arrière. Mm-hmm. Ça allume. Ça allume en tabarnouche. Mais vous voulez donc diffuser la lumière et vous voulez faire un petit jeu d'ombrage, un peu comme des ombres chinoises. Il vous faut le light clip. C'est un objet imprimé, donc en 3D. C'est pour les imprimantes 3D. Ça se glisse à l'arrière du téléphone, là où il y a la lumière LED. Et puis, tu vas utiliser ton application de lampe de poche et ça va éclairer la lumière dans le petit fantôme, hein, et qui va diffuser ça. Ça va évidemment prendre plein de batteries. C'est pas juste un fantôme, attention, c'est un ninja fantôme. Oh, excuse-moi, c'est quoi la différence entre un ninja fantôme et un fantôme, non? Je sais pas. Ben, ça ressemble pas mal à un fantôme, hein? Faudrait demander. Mais il doit être furtif. C'est ça, tu peux pas y parler, il est jamais là quand tu le veux. Ben, tu penses qu'il est là, mais il est de l'autre côté. Hein? En tout cas, ça n'a pas de sens. Comme David. Hein? Ah, David. Bonjour. Allô. Il est pas là, lui. Il est pas vraiment là. Ben, je prépare ma chronique. C'est correct. Ensuite, next! C'est un livre, en fait, encore une fois, là, j'allais dire pour enfants, mais Stéphanie, je vais juste dire pour les gens qui ont le goût de l'acheter, d'accord? Ils sont un peu bébés là. Oui, ben, ça nous inclut tous les deux. Je sais pas pour Jean-Philippe, je sais pour David, c'est clair, mais pour Jean-Philippe. Oh oui, tellement. T'es un enfant de cœur. Un enfant de cœur. D'accord. Je suis un enfant de cœur! Non, enfin, je suis sage. Un enfant de cœur. Un enfant de cœur. Ça? Tu connais pas l'expression enfant de cœur? Non. Tu sais, le contraire, genre d'un bad boy, là. T'as un petit enfant de cœur. Un fils à maman? Non. Non? Oh, Oh, non, je ne veux pas t'associer à ça. Non. Non. Elle est française, non. Elle fait de poil. Donc, c'est un livre pour personnes qui ont le goût d'acheter ce livre-là, avec une plante qui pousse à l'intérieur. Donc, vous pouvez enseigner à vos personnes qui... Je vais utiliser le mot enfant. Enseigner à vos enfants comment fonctionne la nature et le fait qu'on peut donc planter une graine et avoir quelque chose qui va en sortir. Hein, David? La langue dans son oreille, graine de pivot, on s'entend les blagues de graines, ça va faire. Donc, Green Story Plant Growing Books, à l'intérieur de chacun de ces 5 livres différents, il y a des découpages, dans le fond. Et les enfants peuvent mettre des graines à l'intérieur, arroser ça, et ça va pousser dans le livre. Et il y a un petit poème, donc, dans le fond, ça dit c'est un livre, mais il y a comme, c'est une page, là, c'est un poème, ouais, il y a des graines, ça. Parce que sinon, la plante, elle meurt. Ouais, si tu fermes la couverture, tu l'écrases un peu. Faut plus jamais fermer ça. Non. Donc, chaque livre vient avec 2 paquets de graines. Il y a différentes sortes. Il y a le Bouquet of Thoughts qui est jaune. Et t'en as un paquet d'autres qui sont bleus, roses, verts et avec des petits cœurs dessus. 39$ chaque pour les 2 graines. Donc, la plante et le livre. C'est quand même bien. Donc, pas trop cher. Ben, c'est original, mais en même temps. Tu sais, comme on dit. Ouais. Hein? Cherche une place où mettre tes lunettes. En fait, on est 3 sur 4 à avoir des lunettes. Il y a seulement Jean-Philippe qui en a pas. Oui, j'en ai. Mais aujourd'hui, j'ai mis mes verres de contact. Ah ah! Est-ce que tu as tes lunettes d'habitude? Des fois, oui, ça arrive. Un matin sur 2. Ben voyons. Ah, j'ai tellement pas d'attention à ces détails-là. Ben non, mais on dirait que j'essaie d'imaginer à quoi ressemblent tes lunettes. Ouais. Écoute, ils doivent vraiment bien te faire parce que ils passent inaperçus dans ta face. Moi, ta face, là, est comme normale d'habitude, comme je te vois tout le temps. Enfin, ouais. Mais bon. Peut-être. Parce que des gens qui enlèvent leurs lunettes, c'est un peu traumatisant. Ouais. Moi, Mathieu, quand il lève ses lunettes, ça me fait peur. Non! Ah! Oh non! Je pourrais plus lire mes articles. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, qu'avez-vous fait de Mathieu? Non! C'est Superman! Mais les lunettes, c'est ben Superman. Oui! Donc, si vous cherchez une place où mettre vos lunettes le soir, par exemple, ici, encore une fois, j'en ferai ma règle. C'est pas un gadget qu'on peut acheter, c'est un gadget qu'on peut faire soi-même. Donc, c'est des têtes de mopettes qui vont tenir vos lunettes. C'est fait au crochet à la main. Et c'est vraiment super joli, donc on peut faire n'importe quel personnage. Là, ici, c'est Ernie, je crois, à droite. Je crois bien. Je connais pas les mopettes. Non. Donc, c'est ça, il y a le didacticiel, le tutoriel, comme disent les Québécois qui ne savent pas parler, sur Crafter. Et c'est une blague, je pense pas vraiment ça de vous autres. Vous êtes juste pas au courant. Donc, pour faire ça vous-même sur Crafter, donc le petit projet pour faire une tête de crochet de mopette, j'imagine que vous pourriez l'adapter et faire des personnages de d'autres, avec d'autres couleurs là, pour pas mal faire n'importe quel personnage. Ouais. Une fois que le talent est arrivé. Ensuite, on parle toujours de lunettes. On aimerait ça tous pouvoir mettre, je sais pas, une cigarette sur le côté. Tu sais, les gens, dans le temps, mettaient une cigarette sur leur oreille, ouais. Mettaient un crayon. Mais là, si t'as des lunettes, c'est difficile de mettre les deux. Donc, que faire? Oui, parce que c'est déjà pris par la branche. Et voilà, par la branche! Ouais. Ça serait un bon endroit pour mettre justement ces trucs-là. Donc, c'est l'idée derrière le grip clip, qui est un morceau de plastique mou. Qui s'attache à la branche de votre lunette et ça peut agripper une variété d'objets. On dit des crayons, on dit même que ça pourrait tenir un iPhone. Sinon, tu peux toujours la mettre dans ta poche comme les gens normaux. C'est laid! C'est tellement conformiste! Ben, en fait, en plus, on dirait que c'est un bout de tape. Oui, vraiment! Oui! Hey, c'est même trop vrai. T'sais, c'est clairement une clip, tu sais, que... Ben, tu sais... C'est en plastique mou, donc c'est une petite clip. Ben, avez-vous vu le deuxième? C'est un briquet, c'est vraiment laid. Non, c'est affreusement laid. C'est déjà que les gens, des fois, tapaient leurs lunettes dans le milieu. C'est le cliché du nerd avec ses lunettes tapées dans le milieu. C'est en plus un morceau de tape sur le côté. C'est incroyablement geek. Mais bon, donc c'est ça. Faites-en ce que vous voulez. C'est des grip clips. C'est 5$ sur Kickstarter. En fait, c'est une campagne. Ils essaient de ramasser des fonds. Donc, c'est vraiment les gens qui vont décider. Et ils ont dépassé leur but. De 6 000$, ils ont dépassé, ils sont à 6 261 avec 9 jours à faire encore. 310 personnes ont choisi de donner de l'argent. C'était un minimum, minimum de 1$. Ah, ils étaient tous à la brosse. Ça doit. Je peux pas croire. Non, non plus. Ah, que c'est. Ah, t'aurais-tu un briquet? Ah, non, j'en ai pas. Hey, man. Je le vois sur tes lunettes que t'as un briquet. Je le vois dans ta face que tu me mens. Hey, il y a des millions d'autres photos sur la page Kickstarter. Et si vous descendez vers la, je dirais, un petit peu en haut de la moitié, là, on voit le gars avec son iPhone attaché à ses lunettes. C'est malade. Donc, c'est Grip Clip sur Kickstarter. Ensuite, un problème de la vie qu'on a tous et chacun, c'est de tremper. Fais pas ça, je te le dis, tu sais pas l'avance. Hein? Je te le dis, fais pas comme non, ça. Non, non, tu me parles de tremper. Ah! Ah! OK. On trempe des biscuits ici. Oh! C'est encore plus excitant, hein? Donc, si on veut tremper un biscuit, souvent le verre est pas assez large. Là, tu vas avoir plein de lait à la main. T'as l'air de quoi si t'as du liquide blanc à la main, hein, Steph? Donc, c'est le cookie dunker qui est parfait pour ceux qui sont vraiment sérieux dans leur métier de trempeur de biscuits. Donc, c'est un verre avec une base très, très solide, stable. Ensuite, c'est exactement de la grandeur d'un biscuit Oreo pour la deuxième portion, la deuxième phase du verre. Et ensuite, le rebord est très, très, très large en haut. Donc, vraiment, sûrement un bon trois fois plus large que la base. Ben ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez tremper votre biscuit exactement de la bonne grandeur et le lait va se rendre jusqu'en bas du verre. Donc, vous allez avoir toute la surface en haut pour tremper. Quand vous allez être rendu au fond du verre, vous allez pouvoir tremper dans le biscuit. Encore. C'est génial et merveilleux. Aucun salissage. 8 onces de liquide. Ça a été créé par Awkward Engineer Creations et c'est parfait. J'en veux 3. Ah, j'aime ça, j'aime mains. Ça. Pour mes 3 mains, exactement. Ouais. C'est drôle, dans la vidéo, tu montres vraiment l'étape du dessin, de la création, puis c'est un peu trop intense, là, avec... Les ingénieurs, ils sont en salopette orange, là, puis ça fait les vidéos. Ils sont bien fins. C'est le Cookie Dunker est disponible pour un... Si vous promettez de donner 23$, en fait, vous donnez 23$. Si le produit se rend jusqu'au montant total, ça va être produit, sinon vous perdez votre argent. Donc, ils ont un but de 25 000$. Ils sont rendus à 6 539. Il reste 15 jours. J'ai confiance, c'est une invention qui vaut la peine, beaucoup plus que le truc à lunettes. Ben oui. Donc, on y va tous donner le minimum qui est de 1$. Voilà. Ensuite, rapidement sur celui-là, c'est un petit truc pour mettre son iPhone dedans. Là, tout le temps, des trucs de iPhone, des petits skins. C'est que lui, quand le micro se fait activer ou quand il entend du bruit, les petits LED en arrière, les petites lumières vont bouger un peu comme sur un radio. Wow! Ou sur une console, tu sais, le vert et le rouge, un peu comme l'ancien logo d'une station de radio locale. Donc, les lignes vont monter et descendre avec le son. Donc, voilà, c'est super beau. Ensuite, c'est un grille-pain qui va avec la mode sur Internet du... comment ça s'appelle déjà? Democon. C'est l'espèce de grand ours qui court après des chats sur Internet. On le voit des fois dans des memes. C'est beau! C'est très, très beau. C'est un personnage de la télé japonaise sur NHK Television. Bref, ils ont fait un grille-pain. Avec sa face, et quand tu fais griller tes rôtis, il va faire la forme de la face de Mokon. Deux grands yeux, deux petits yeux et une grande bouche de brûlure, finalement. Oui, c'est ça. C'est brûlé. Ça doit pas être bon, ça. Ça se vend 49$ dans les magasins chez Urban Outfitters, entre autres, en ce moment. Donc, produit japonais maintenant aux États-Unis et peut-être même au Canada. Le prochain, si on trouvait déjà Pikachu fatigant, si quelqu'un veut m'imiter... Je vais demander à David à la place de vous le demander à vous autres. David, imite-nous Pikachu. Pikachu! Pika, voilà. Pika, Pika! Continue. Continue en masse, continue. Pika! Pika! Marie-Melon imite Pikachu! Allô! Ben imaginez avoir ça tous les matins dans votre chambre à coucher, c'est avec le super fatigant. Réveillez-vous! Oui, merci. Snooze, David. Le Pikachu Talking Alarm Clock, donc c'est vraiment une alarme pour se réveiller avec la voix de Pikachu. Hey. Le snooze marche pas, c'est Bibi. Hein? Le snooze marche pas, c'est Bibi, comme dans Bibi et Geneviève. Oh! Ah, à place de peser sur snooze, tu pèses sur Bibi. Ouais. Il aurait aimé ça se faire peser dessus, lui, hein? Revenons-en à Pikachu Alarme. Oui. Quel matin atroce. Ça doit être le pire matin. Et il y a une version avec une horloge analogique, avec des aiguilles, et une autre avec une horloge avec des chiffres, là, finalement. Numérique. Et, numérique, merci, Steph. Avec des chiffres. Et finalement, pour terminer cette belle chronique, c'est le Polar Bear Ice Cube Tree. C'est vraiment génial. Tu sais, quand on fait de la glace, il y a de l'eau qui coule partout jusqu'à temps qu'on se rende au congélateur. Ouais, tout le temps. Là, tu fais tomber tes glaces. C'est tout le temps difficile à faire sortir de là. Puis là, ta vie est en noir et blanc parce que c'est le début d'une mauvaise info pub. Oui! Il y a des X-Crews qui apparaissent dessus. Bah. Donc, le Polar Bear Ice Cube Tree, c'est simple. Vous versez l'eau à travers son bec. C'est un ours polaire avec 2, 4, 5, 10 pattes, OK? Et deux petites oreilles. Il est vraiment très, très cute, pour vrai. Il y a un bouchon, et donc, vous versez l'eau là-dedans. Vous fermez le bouchon, vous mettez ça à plat. Ça va geler dans ses pattes. Et quand vous allez sortir ça du congélateur, vous allez tordre l'ours et la glace va juste tomber par son bec. Oh! J'aime ça. Puis en plus, c'est les trucs de glace qui n'ont rien sur le dessus. Ils tombent tout le temps plein de cochonneries dans ta glace. Et l'odeur du frigo et tout ça va s'imprégner dans tes glaces. Non, c'est pas une bonne chose. Et c'est 100 BPA et ça va au lave-vaisselle. Oh. Ben, je te dirais que je suis fan de tout ça. Ouais, moi aussi. Pour ça, je l'ai mis. Polar Bear Ice Tree, ça coûte seulement 20$. Pas si pire. Pour un beau petit ours comme ça, là. Oui, cute à mort. Pas de face. Tu peux juste pas mettre tes glaçons un par-dessus l'autre. Ah. T'sais, si t'es un grand fan de glaçons. Ouais. Je sais pas, là, je trouve que là, tu vas trop loin. Je m'excuse. T'es trop fancy avec tes glaces, toi. Oh. Mais moi, je me demandais, comment tu sais pour savoir qu'il y a le bon niveau d'eau? Est-ce que tu vois à l'intérieur? Je pense pas. Bonne question. J'imagine que tu dois pouvoir les faire un petit peu en haut des pattes, ou ça doit pas être exact non plus. Ouais, mais en tout cas. Je sais pas, mais... Tu regardes dedans avec ta lampe de poche. OK, non, on voit un niveau maximum écrit à l'intérieur. En tout cas, il y a les photos sur la page qui est liée sur assemblagerequis.com. Il y a 4 petites photos, dont la façon que ça fonctionne dans le rack. Donc voilà, pour la chronique sexe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Plein de choses à s'acheter, hein? Sortons la carte de crédit. Chling, chling. Au retour, Stéphanie Paradis et sa chronique Le Petit Bonheur. On va écouter encore des émissions pour enfants. Oui. On se tape Sharky et George, la série. Oh! Au complet! Hey, j'avais oublié cette série-là. Ça y est, je suis heureux. Sharky et George. C'est plate, tu n'en parles pas? Ah! Va t'en parler. Ah, moi aussi. Assez fou. Les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Electrons et Venus at your back door. C'est pas mal anglophone. Assemblage requis, Jean-Philippe Charbonneau est toujours là. Oui, monsieur. Mm-hmm. Ça n'a pas c'est quoi la chanson, mais il est pareil. Non, c'est ça. Tu m'avais juste dit de l'artiste. Bon, là, j'étais bon. Comme, ah, là, j'ai regardé les trucs. Ça me tente pas d'aller voir la chanson. Non, c'est ça. David Ferron est là aussi. Rebonjour. Hey, David, ça a l'air que Marie Melon est enceinte. J'ai entendu parler de ça hier. Ben, moi, je l'ai. Comment ça, je le savais avant moi? Ouais, c'est moi qui. Je pense que j'ai récupéré les rumeurs. Steph et moi, on était à Chasse-Galerie. OK. Ouais, ça doit être là qu'on a entendu ça. Ça. Moi, j'ai dit à la radio. Ben, c'est ça. T'sais, quand tu travailles en radio, t'as des contacts aussi. À un moment donné. Ah, ben, félicitations. Bravo, bravo, bravo. Ah, ben, ça me fait plaisir de savoir que vous le saviez avant moi. Bon, ben, c'est pas grave, t'es juste son frère triplé si à moi, enseignement si à moi. Ouais, bon. C'est ça. Puis vous, vous êtes des collègues qu'elle connaît depuis quoi, un mois et demi? Exactement. Ouais, mais les enfants, là, sont peut-être de Mathieu. Hein? Oh, ben non, scandale! C'est ça, un kick que Marie Melon avait sur moi. Là, on n'a rien fait, je vous le promets, je vous le promets. On vous parlera plusieurs détails de Marie Melon lors de la chronique de David tantôt, mais pour l'instant, on accueille Stéphanie Paradis. Voici sa chronique, Les petits bonheurs! Bonjour Stéphanie Paradis. Bonjour Mathieu Plante. Les petits bonheurs. Petit bonheur. Non, mais là, moi, je pense que je considère là, que les émissions jeunesse, c'est des gros bonheurs. Oui. C'est pas juste des petits bonheurs. Ça a marqué notre vie. C'est vrai. C'est important. On a grandi avec ça. C'est quasiment eux autres qui nous ont élevés. Ben, on vous parle des choses qui sont de retour à la mode. Là. On parle de choses rétro en ce moment. Donc, ça se pourrait, à un moment donné, que toutes ces émissions-là reviennent en nombre. Ah, quoi, ça serait le fun. Et on en parle à chaque fois qu'on jase d'émissions jeunesse, mais un vrai rétro. Mais je sais que sur la page Facebook de Télépirate, il y a des rumeurs de coffrets DVD. Je ne sais pas si c'est vrai, mais honnêtement, j'adorerais ça. J'achète à l'instant. Aussitôt que ça sort, je bide là-dessus. Non, je le... Buy it now. Buy it now. Bon, donc, écoute, on va faire la suite de ma chronique d'il y a deux semaines. Donc, aujourd'hui, c'est les petits bonheurs de nos émissions jeunesse. Partie 2. Oui! Partie 2. Donc, ben déjà, je parlais de Télépirate. Donc, je pense qu'on va aller tout de suite entendre l'introduction. Donc là, on va entendre l'intro de la saison 1, ben de 1 à 3. Cette semaine, le Provincial Géographique présente, dans le cadre de sa série En gambadant dans le sous-bois, un sympathique reportage sur le caribou de Longue... De qu'est-ce qui se passe là? De Longava, communément appelé Proto Nito Citatilonimen Titato Mitoli Sapitale ou de son nom latin Gérard. Gérard. Non, c'est pas Gérard là. Non, ici, non, la petite bestiole que l'on voit ici, c'est, non, on la voit plus là, mais là, elle broute, elle est là, qu'elle broute de l'herbe. Et là, elle se dirige vers un autre talus. Non, plutôt elle se gratte. Attention, n'ajustez pas votre appareil. On s'empare des ondes. On arrive. C'est bon! Mais t'imagines ce sketch-là tous les matins? Elle broute, elle broute. C'est un peu long. Mais c'est bon! C'est bon! C'est bon. Donc, Télépirate, diffusion originale de 1991 à 1995. Donc, avec Élise Marquis, Christian Bégin, Guy Jodoin pour les saisons 1 et 2, et qui a été remplacée par Carole Cassista pour les saisons 3 à 5. Donc, c'est 540 épisodes de 28 minutes. Dur de croire que Carole Cassista était là plus longtemps que Guy Jodoin dans la tête de tout le monde. Guy Jodoin était la vedette de Télépirate, mais il était là longtemps, Carole. Oui, il était là vraiment longtemps, mais on dirait, dans ma tête, j'ai tellement écouté de reprises que ça s'entrecoupe, ouais. Donc j'ai pas l'impression qu'un était là plus souvent. J'ai vu, on dirait, autant les deux. Ouais. Donc, le principe de l'émission était simple, apprendre tout en s'amusant. Donc, la série comportait plusieurs personnages farfelus. Donc, qui ne se rappelle pas de Batman et Robin? Oui. Il y avait Pat et Carrie Adam. Oui. Réal Pampan spécialité. Jean-Sylvain Rogatien du Trissac, communément appelé le Têteux. Cendrier et sa fée détraquée, le gros Dubé. Alexandre le poète, Moufette, Léopoldine, oui. etc. Léopoldine! Donc, est-ce que vous vous souvenez d'autres personnages? Honnêtement, c'est un peu flou, là, les noms de personnages. Là. Non, moi, je me... Non, pas partout. Ça joue en fait, tellement longtemps, mais... Ça me sonne une cloche quand tu les dis. Ouais, mais, là, ouais c'est ça. Moi aussi, c'est en les relisant. Je fais comme, ah, ouais, ouais! Donc, les animateurs ont présenté des chroniques afin de nous apprendre toutes sortes de trucs pratiques, comme comment réparer un vase brisé, comment bien faire ce devoir sans être déconcentré, apprendre quel mot prenne un X au pluriel... Comment retirer une poussière de son œil? C'était beaucoup plus éducatif qu'on le pensait à l'époque. On apprenait des choses sans le savoir parce que c'était drôle. Ben oui, vraiment. Mais moi, personnellement, je me souviens vaguement du personnage de Carole Cassista qui faisait une chronique linguistique. Il faisait un petit bombe dans une ruelle. Puis c'est là que j'ai appris qu'il fallait dire « c'est dommage » et non « c'est de valeur ». Oui, et il y avait « vidange » aussi, il fallait pas dire. « Prendre une marche ». Ah, ben en tout cas, moi, c'est vraiment cette valeur qui m'avait marqué. Mm-hmm. Puis c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à reprendre les gens sur leur français. Oh. Donc, ça a commencé très tôt dans ma vie. Non, pour vrai, c'est je pense que c'est le sketch qui m'avait le plus marqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans Télépirate? Moi, c'est flou. C'est vraiment une période floue de ma jeunesse. Moi, c'est les vidéoclips parce que dans la première saison, ils faisaient des analyses de vidéoclips. Les critiques de films aussi, je pense. Ouais, puis c'est des fois, c'était des nanars. Là. Ouais, c'était pas très bon. Tellement des nanars, mais c'était jouissif. Là. Mmh. Oh. Ah, je me rappelle, je me rappelle de tout, mais floutement. Floutement. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du pupitre à voyager dans le temps? Ah, oui. Oui? Oui. Est-ce un oiseau ou est-ce un... C'est le pupitre à voyager dans le temps! Puis là, Christian Bégin, il reçoit quoi dans l'œil? Ça fait... Ah, ça, c'était un oiseau, par exemple. Non, ça... Wow! Saviez-vous aussi qu'il y a un autre comédien qui a joué dans Télépirate? Donc, au départ, c'était Isabelle Rosa qui co-animait avec Guy Jodoin et Christian Bégin. Hein? Mais elle a quitté après seulement 2 semaines et c'est Élise Marquis qui a pris la relève. Je savais pas ça. Ben oui, fait qu'elle était là juste 2 semaines. Je l'ai jamais vue de ma vie. J'ai aucune idée c'est qui. Donc, dans l'intro, tu disais que l'intro qu'on a entendu tantôt, c'était saison 1 à 3. Donc, dans le fond, c'était les voix de peut-être sûrement la fille qui a fait la première voix de fille, non? C'est vraiment Élise Marquis, il me semble. Oui, oui. C'est confus, dans faudrait, ben, s'il y a des coffrets un jour, on va pouvoir voir enfin c'est qui. On aura la réponse. Oui. Bon. Mais avec une émission par jour pendant des semaines, des mois par année, coffret DVD, ça va être lourd, tout ça. Ben, c'est pas pire que Radio Enfer, non? Ben, c'est par semaine, Radio Enfer. Oui, mais ça va peut-être sortir, tu sais, 500 quelques épisodes. Ça va être les meilleurs épisodes, comme ils font avec Ouattatata. Motatine, ou Ramdam. Ah, c'est pas bon. C'est plate, les meilleurs épisodes. Je veux tout. Ben oui, je veux rien manquer. Vous me sortez quelque chose, donnez-moi tout. Entrecoupe-moi pas ton histoire, tu sais. Ça fait plus de sens. Ben non. Ben non, Ouattatata, je peux comprendre, mais Télépirate, il n'y a pas vraiment d'histoire. Non, oui, c'est ça. Donc, maintenant, on va se quitter. Ben, quitter Télépirate. Télépirate. Moi, je m'en viens comme David, là, je donne des coups sur les micros puis ça vole partout. Là. Donc, on va entendre la version à partir de la 4e saison. Non, ça c'est le premier. La bonne, je joue pas la bonne, je joue la bonne ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, c'est pas fort. Mais c'est vieux! Je pense que c'est celle que les gens se rappellent le plus, il me semble. Ouais. Non, moi, je me souviens vraiment beaucoup du petit Bambi, là, dans... Ouais, ben moi aussi, mais il me semble que celle-là, en tout cas, je sais pas. Mais c'était très, très... Le look de ça est très, très années 90, très, très rose, mauve et... Oui, vraiment, comme vraiment. Ça. Ouais. Merveilleux. Est-ce qu'on passe à la prochaine tout de suite? Oui. On écoute. Go. Est-ce qu'on la devine? Ah, oui, je donne tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair pour nous arrêter. moi Julie. C'est nous les Intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, suffit d'un appel pour que tout devienne rapide. Avec les Intrépides. Ça ne finit jamais, non? Si tu appelles, on se court sans jamais perdre d'instant. Les Intrépides à court, on est toujours présents. Et si tu as des ennuis, en deux temps, trois mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présents. Wow! C'est fou, réécouter ça après tant d'années, je me suis rendu compte que je la connaissais quand même pas mal par cœur. Oui, oui, moi aussi, je la chantais. Donc, la diffusion originale des Intrépides à Canal Famille de 1992 à 1996 avec Jessica Barker et Laurent Deutsch. Genre? En tout cas. Donc, chacune des deux saisons comporte 26 épisodes de 22 minutes. Est-ce que la deuxième saison est celle qui s'appelait Les Nouvelles Aventures des Intrépides? Parce que ça, c'est une autre. Ça, c'est plus tard. Ça, c'est la série originale dont tu parles. Non, non, c'est vraiment ça. C'est ça, ben, c'est un peu plus loin dans... Okay. En tout cas. Désolé. Mais c'est ça. Donc, la deuxième saison, ils l'ont renommée Les Nouvelles Aventures des Intrépides. Mais ça se passe plusieurs années plus tard. Dans le fond, la première saison. C'est ça. La première saison, c'était tournée en France en 1992. Et la deuxième saison, c'est en 1995. Ils sont au Québec. Oh, pour vrai. Exactement. Ça, je me rappelais pas. Donc, Julie, une petite Québécoise de 12 ans, doit déménager en France chez le nouvel amoureux de sa mère, donc le père de Tom, un garçon aussi de 12 ans. Donc, alors que Julie visite sa nouvelle maison avec curiosité, elle tombe par hasard sur Tom en train d'animer une émission de radio pirate. Donc, la seule personne qui était au courant de cette émission-là, c'était Tran, un ami fidèle de la famille. On ne sait pas ce qu'il fait. Non. Ça, mais il sait tout, lui. Ça devait être la nounou. Ouais, ouais. Oui. Moi, je l'aimais beaucoup. On voyait jamais vraiment les parents. On les voyait pas souvent. Mm. Hein. Donc, en échange de son silence, Julie commence alors à faire de la radio avec Tom. Donc, au départ, il ne s'agit qu'une d'une simple ligne ouverte jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel à l'aide qui va changer définitivement la vocation de leur émission de radio. Et de là est née Les Intrépides. Donc, ils viennent alors en aide aux jeunes par des conseils et parfois des aventures étonnantes. Ils doivent par contre réussir tout ça dans le plus grand des secrets. Donc, oui, comme je le disais, nanana, la première saison en France. Moi, je trouvais ça vraiment fou, là. On dirait que j'ai écouté la première saison après la deuxième saison. Parce que probablement que j'étais trop jeune quand ça a commencé. Puis je trouvais ça bizarre parce qu'il était plus jeune. Puis je reconnaissais pas le décor. Tout le monde avait un accent. Non, puis on s'entend que Laurent Deutsch a mal vieilli, tu sais. Oh, il a pris un coup de pelle. Non, un coup de vieux. Donc, l'émission a été diffusée à Radio-Canada, à TFO et à Canal J en France. Oui, ça joue en anglais aussi sur Showtime au Canada. Avec la chanson. Ah ouais? Ils ont refait ta chanson en anglais? Il me semble que la chanson... Ça, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble... Je sais que c'est en anglais doublé, ça, je sais. La chanson, okay. Je pas sûr. OK, en fait, ça serait à voir. Ouais. Oh, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Oh. J'ai vraiment cherché pour eux. Dommage. Ils jouaient Chambravé dans l'anglais sur Showtime. Mais ça, c'était sous-titré, par contre. Ah. Ouais. Ah, je te jure, il y en a des affaires bizarres. C'est bizarre, oui. Mais j'ai déjà pogné, je pense que c'était Carmina. Okay. J'avais pogné ça un poste en anglais, puis c'était sous-titré. J'étais fascinée par les sous-titres. Ouais. Parce que... Du québécois retraduit en anglais, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, parce que c'était... Les gags ne fonctionnaient pas ben du non. tout. Les jeux de mots, c'est... ça. Non, fait que là, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quand on écoute une traduction, c'est mauvais. Ouais. Puis là, j'ai commencé à écouter les émissions en anglais. Exact. Donc, ben moi, je pense que je trippais ces Intrépides à cause des aventures où les enfants dominaient les adultes. Oui. Tu sais, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Kid tout Power. Ça, là. Moi, quand les enfants étaient brillants de même, là, ça, ça venait me chercher. Ouais. Ah, puis moi, la haine contre les Français est née avec les Intrépides, non, c'est pas vrai. Ah, Tom, là. Bon. Ben, écoute. Il me tapait ses nerfs, Tom. Bon. Droit, ça? Ben oui. Ben, t'as le droit, certainement que t'as le droit. On peut passer à la prochaine, oui, Mathieu. Oui, je vais essayer de faire ça correctement. Ouais. La prochaine change est la ici. Bonne. Attention. Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses deux filles mènent une vie paisible. Est-ce que vous avez reconnu? C'est cute, hein, je laisse Jean-Philippe deviner, je l'ai devant moi. Non, moi j'ai. Ben tu l'as dit tantôt. Pis... Avec un dragon. Ben non, ça me. La princesse astronaute! Ben oui. Ah! Mais non, j'écoutais pas ça. Avec la blonde à Normand Brathwaite, ça. C'est hein? ça? La fille qui joue là-dedans? C'est la blonde à qui, ça? La fille, le chose qui joue là-dedans, la princesse elle-même, là. L'actrice connue maintenant. Pascal Bussière? Non, l'autre. Sophie Préjean? C'est ça. Charles Lafortune? Charles Lafortune, voilà. Tu vois? Normand Brathwaite? Charles Lafortune, pareil. Charles Lafortune, Normand Brathwaite, puis l'autre, là, Sébastien Benoît, puis toutes ces catanes-là, tout pareil. Tout pareil. Voilà. C'est dit. OK. Bon. Donc, la princesse astronaute, diffusée originairement... La diffusion originale à Canal Famille de 1993 à 1996, avec entre autres Pascal Bussière, Sophie Préjean, Emmanuel Bilodeau et Thomas Graton. Pimpin et Pompon, ça? Exactement, c'est Pompon. Pompon. Le tu vois, plus, moi, Pimpin, Pompon, des catanes de même, tout pareil. Ben, le Pimpin, tu sais, le I, il est slim. Oh, come on! Fait que c'est le petit des non, deux, puis le O dans Pompon, c'est un peu plus dodu. Pas fin. Oh. Mais c'est pas méchant. Mais si tu compares les deux, il y en a un qui a l'air d'un I et l'autre qui a l'air d'un O, non? Hey, ils ont pas donné ces noms-là par hasard. C'est clair, là. C'était pour pouvoir mettre la shape du gars dans le logo à la place du I. C'était exactement. Le soutien, donc, c'est 78 épisodes de 28 minutes. Quand même, je pensais pas que ça avait été aussi long que ça. Donc, l'action se déroule dans le royaume de Dragonville, un monde imaginaire et fantaisiste où les habitants ont un jour décidé de vivre un conte de fées. Mais voilà qu'un jour, des objets provenant de la planète Terre tombent sur Dragonville. Donc, la princesse Noémie, une princesse pas comme les autres, supporte les caprices de son père, le roi Jason, et de sa sœur Cybèle. Donc, le roi Jason, qui était Thomas Graton, et Cybèle, qui était Sophie Préjean. Donc, pourquoi pas comme les autres? Parce qu'elle est passionnée par l'astronomie, qu'elle voyage dans l'espace grâce à son vaisseau spatial. Par la même occasion, elle cherche à percer le mystère de la mort de sa mère, qui est survenue lors de la fameuse pluie d'objets. Donc, elle est aidée dans ses aventures par le dragon tout feu tout flamme et Vladimir, son ami d'enfance qui veut devenir chevalier. J'ai fouillé là-dedans puis j'ai réalisé qu'un des auteurs principaux de La princesse astronaute, c'est Pierre-Yves Bernard, co-auteur de l'émission culte Dans une galaxie près de chez vous. Donc, je pense que ça vient de lui, la pluie d'objets, parce qu'il y en a aussi dans une galaxie près de chez vous. Il est fasciné par l'espace. Une averse de chasseuse. Hein? Donc, ça doit venir de Pierre-Yves Bernard. Et savez-vous aussi qu'il a co-écrit pour Télépirate? Ben, voyons donc. Hein? C'est intéressant. Il y a un style d'humour particulier qu'on aime, tu sais. Ben oui, pour vrai, là, on est fan de Pierre-Yves Bernard de plus en plus. Sans le savoir. Exactement. Burn. P.Y. Burn. P.Y. Burn. Et maintenant, avant de changer d'émission, de passer à la dernière, petite question. Vous souvenez-vous du patois du roi Jason? Du tout. Son patois. On dirait que j'évitais cette émission-là. On dirait que je changeais de poste quand ça avait lieu. Non, moi, j'étais fascinée. Tu sais, je veux dire, t'es une petite fille, t'aimes les princesses. Hein, Mathieu? Ça doit être ça. Mais elle allait dans l'espace. Elle allait dans l'espace. J'ai toujours été fascinée par les étoiles. Tout ça, une princesse qui vient d'une autre planète. C'est merveilleux. Donc, son patois, c'était Trône à roulette. Ah oui! Un trône à roulettes, oh, dit-il, dodument. Dodument. Oh. Donc, merci, on peut passer à la dernière émission. Ou attention, ça sent bien. Allons réveille-toi, il faut te lever. Tous les amis vont bientôt arriver. Voilà que commence une autre belle journée dans la maison de Windy. Dans la maison de Wimsy. Dans la maison de Wimsy. Apporte ta joie, ta bonne humeur aussi. Et partage-les avec tous les amis. Pour t'accueillir, ils sont tous ici. Dans la maison de Wimsy. Dans la maison de Wimsy. On se parle qu'à nous. On se dit nos secrets. On a du plaisir qu'on ne s'ennuie jamais. Entre tous, c'est toi qu'on attendait. Dans la maison de Wimsy. Dans la maison de Wimsy. Ça est un peu honteuse, tu trouves pas? Je l'écoute ça et je fais comme « Oh, connu que c'est bébé! Ah! » Grand-maman fait des petits plats. Oui. Et puis j'ai la toune dans la tête depuis hier, là. Pour toi. Donc, la maison de Whimsy, diffusée du 4 mars 95 au 31 août 96 sur YTV, très précisément, puis sur CBC. Au Québec, elle était diffusée à Radio-Canada et à Télé-Québec. Il y a 112 épisodes de 30 minutes. Donc, là, je vous parle des postes anglophones, mais en fait, c'est québécois. La série originale a été filmée en français à Montréal, donc avec des marionnettistes québécois francophones. Donc, c'est vraiment une traduction, là, ce qui est vu en anglais, mais tout est québécois. Et avec, entre autres, le marionnettiste Michel Ledoux, qui est la voix de... Bibi! Oui, donc, il jouait Graziella, qui est la mère de Whimsy, je crois. Je suis pas trop certaine. Je pense que je l'ai dit à quelque part tantôt. Il a plus faire grand-chose. Il a plus avoir grandes émissions de marionnettes. Oui, là, aujourd'hui, il est dans Salut Martin. Okay. Je connais pas ça, mais c'est ce que j'ai lu. Mais oui, il est encore aujourd'hui marionnettiste. Là, cool, ben, je pense qu'il y a Youpa, entre autres. Oui, c'est ça. Je pense que c'est là, justement. C'est à Youpa. Donc, la maison de Whimsy... OK, je vais être honnête, je pense que j'étais un peu vieille quand j'écoutais ça, puis je l'écoutais en cachette. C'est très bébé, hein? Ah, mais tu sais, c'était peut-être comme 2-3 ans trop jeune pour moi, c'est pas si pire. C'est quoi, du genre 6 ans et moins, genre, ça? Non, pas tant que ça. 8 ans? Je sais pas, au moins 8 ans, tu devais commencer à être vieux, mais c'est à cet âge-là que je devais l'écouter. Okay. Donc, Yaya, la grand-mère de Whimsy, est une dynamo de 150 ans qui a suffisamment d'entrain et de sagesse pour s'occuper de la garderie familiale que fréquentent ses deux petits-enfants et d'autres enfants du quartier. Graziella, la maman de Whimsy, donc exactement c'est Michel Ledoux, est pilote d'avion et doit souvent s'absenter de la maison. C'est cool comme métier, pilote d'avion. Donc, le papa de Whimsy, Rousseau, est un pompier qui adore jardiner dans ses temps libres. Graziella et Rousseau sont très heureux que Yaya prenne soin de Whimsy et de son frère Beau, une petite boule d'énergie de 18 mois. Hey, ils sont tous remplis d'énergie, les autres. Oh, ben oui, c'est pour vendre l'émission aux parents, ça. Donc, avec les autres enfants du quartier qui viennent à la garderie, ils forment une joyeuse bande. Il y a Jonas, le meilleur ami de Whimsy, sa soeur cadette Loulou, toujours en admiration devant Whimsy, et Horace, qui n'est pas trop certain d'aimer aller à la garderie. Mais c'est une garderie pleine de petits monstres. Non. En fait, pour vrai, il y a vraiment encore un site de la maison de Whimsy qui est actif là, sur Internet. À jour? Puis, je sais pas si c'est à jour parce que honnêtement, tu sais, les accents, c'est des A commerciales. Là, c'était tout bizarre. Là. Ouais, c'était un peu tout bizarre. Ça, on dirait qu'ils n'ont pas suivi la technologie. Mais tu sais, t'as des jeux éducatifs, puis des conseils pour les parents, puis tout ça. Donc, c'est encore actif. Parce que oui, c'est éducatif, parce que la maison de Whimsy, c'est né à la suite de l'initiative de CINAR et du travail de spécialistes en éducation et en psychologie des universités Harvard et Concordia, ainsi que des collaborateurs de longue date de l'émission Sesame Street. Oh, ah, pour vrai? Ouais, donc c'est quand même pas... c'est pas fait par des nobody, là. C'est hot, la maison de Whimsy, oui, OK? Cool! Donc, on se termine sur cette note. La maison de Whimsy, c'est... C'est cool! Cool! Énergie, cool. Boule de dynamo, d'énergie d'éclair, dynamo. De testostérone. Non, pas tant. Non. Non, ça peut pas être ça, le dernier mot. Boule. On aime ça. Hey, justement, boule, je me suis acheté... appelle-moi pas de même. Je me suis acheté des nouveaux coussins, OK, pour mon divan. Là. Okay, oui. C'est des boules de poêle, brunes. Hey. Fait que c'est vraiment une boule. J'ai le goût de mettre des yeux et tout. Fait que j'ai des nouvelles boules. Tu touches à tes boules tous les soirs. Ouais, mais je me frotte la face dessus. Ils sont un peu poilus. C'est physiquement possible de se frotter la face sur ses propres boules? Oui. D'accord. Donc, oui. Ben, c'était convaincant. C'est bon à savoir. Ben oui, là, des boules brunes. Avec des poils. Ouais. Qui sortent de partout. Donc, merci Stéphanie Paradis pour les petits bonheurs. Ça fait plaisir. Dans deux semaines pour une autre chronique des petits bonheurs et dans une semaine en alternance pour la chronique Zone Campus. Ça va être la dernière, oui, d'ailleurs. Exactement. Et je te lance un défi. Oh, ah ouais? Un jour, j'aimerais ça, c'est pas nécessairement bientôt, mais c'est plus tard, dans un futur plus ou moins rapproché. L'année prochaine? Quand tu veux. De faire une troisième partie, et ce sera Jean-Philippe et moi qui amènerons nos émissions. Parce que moi, tu sais, j'aurais aimé ça, le studio, tu sais, j'aurais aimé ça, des affaires de même. Donc, on en reparlera. Ah, ça serait cool. Moi, j'étais un peu... tu sais, j'étais semi un peu trop jeune pour le studio, donc j'écoutais ça un peu plus tard. Fait que ça n'a pas nécessairement marqué ma jeune jeunesse. Sur la piste, Génération W. Tic-tac. Non. Je sais pas pourquoi. J'avais juste Ranger du risque. Écureuils, ça? Oui, c'est les deux. Oui. Oh. On fera ça une autre fois. Ben oui, ça serait très cool qu'on fasse ça. La revanche des gars. Oh oui! Ah, c'est cool ça. Ça te sauvera une semaine de travail, ça. Non, ben oui, c'est cool. Donc, ça pourra combler un vide à m'amener. Oui, quand il n'y aura pas de chroniques sur le campus, au pire, à la fin de la session. On verra. Ah, ben oui. On s'en reparle. Oui. David Ferron s'en vient tantôt avec sa chronique La langue dans ton oreille. Pour l'instant, David! On va. David! Où es-tu, David? C'est bientôt ton tour. Check-toi, là! T'as ton tour! Pika, pika! Snooze! Beaucoup trop fort dans mon micro, là. Donc, David Ferron s'en vient. Après ça, il y a King Sexy Time aussi. Ça, c'est un autre doigt. Clink. Clink. Pour l'instant, Clink, Info Campus, restez là. Woo! C'est fou. Des extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 10 avril 2013. Jean-Philippe Charbonneau est là. Oui, et Mathieu Plante aussi. Mais t'es pas là pour longtemps, toi? Non, je dois quitter pour un cours. Déjà, hein, parce qu'on sait que David, ça va dépasser l'ennemi. Fait. Ouais, ben, c'est ça, je voudrais pas t'interrompre en plein milieu de ta lancée. Pourquoi tu me quittes? Ben, j'écouterai les meilleurs moments. Vois que je mets ça les meilleurs moments. David. Il me regarde avec une face de petit chien piteux. Ouais, mais on dirait qu'il va avoir. Tu sais, les petites bêtes là, qui ont tout à coup des grosses dents. On dirait qu'il va. David Ferrolk. Ouais. Stéphanie Paradis, là aussi. Oui, hey Steph, ça va? Allô? Allô? Hey, c'est-tu ce que je viens de voir? Quoi non? La programmation du Canal Famille du 16 mars 1994. Chaude-moi ça, s'il te plaît, chaude-moi ça. C'est long, là, j'ai toute la journée. Je m'en fous. Non, mais pas. Peut-être pas tout au complet en ondes. Hors d'onde. 7h, Gym Tonic. 7h30, Télépirate. 8h, Bibi Geneviève. 8h30, Enfant en forme. 8h45, Sur la rue Tabaga. 9h, Daphné raconte-moi. C'est quoi ça? Je sais pas. 9h15, Bozo et compagnie. 9h30, Gozura. Après ça, il y a Casper et ses amis. Okay. Ouais. Lilo de Lily. Oui, Géopus, Balanel, Les Entrechats, Non l'école hantée. Nous, Nicolas. Ça, c'est toutes les émissions genre qui étaient faites pour un public qui restait à la maison le jour, donc on les voyait pas. Mais ça me dit rien, bof. Puis après ça, il y a les reprises d'Enfant en forme, les Belles Mines, les aventures de Virulis, les Popples, Maya l'abeille, Teddy Ruxpin, puis Livrofolie, les Schtroumpfs. Livrofolie, c'était-tu plate en mort, ça? C'est quoi, mais ça? Il y avait la fille qui jouait dans la baleine, tu sais, là. Ah, Fanny Lose. J'aimais bien. Moi, j'aimais bien ça. Moi. Et puis, tu sais, il y avait des reprises, mais on va se le dire. Les reprises, j'aimais-tu ça, les écouter? Oui. Même ben si oui. J'avais vu maintes et maintes fois. Ben oui. Ah, que c'était le fun. On avait notre horaire. Oui. Donc, on reste là, peu importe quoi. On savait ce qu'on faisait. On avait une chose à faire, c'est écouter Canal Famille, puis on savait comment le faire. Ouais. On était bon. Merci, Steph. Envoie-moi le lien. Ah, ouais. On accueille David Ferron, un enfant pour toujours. Oui. C'est à peu près ça. Dans mon cœur. Un enfant un petit peu hyperactif, mais que voulez-vous. Voici de la langue dans ton oreille. David Ferron. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Oui, très bien. Tu nous présentes une chronique thématique. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, on a eu une petite participation des animateurs, donc Stéphanie, Jean-Philippe et moi. On t'a déterminé un thème. Stéphanie, rappelle-nous les thèmes qu'on avait choisis, tu t'en rappelles? Donc, moi, j'avais choisi banane. Mathieu, c'est clair, t'avais choisi saint. Évidemment. Jean-Philippe, c'était la lutte. Oui, la lutte. Voilà, donc t'avais à faire quelque chose avec ça. David, qu'est-ce que tu nous présentes, donc? Ben, ça a été un petit peu compliqué parce que j'avais une heure pour trouver les chansons. J'ai fait ce que j'ai pu. Fais pas comme si c'était notre faute, là. Ben non, au contraire. Vous m'avez boosté d'idées. Une c'est boule sûr... d'énergie. Oui. Pas encore boule. C'est sûr que c'est ça, je peux pas faire... J'ai pas trouvé de chansons qui parlaient des trois thèmes directement. OK. Pas en même temps? Non. Ça valait la peine qu'on te donne des thèmes de bord, hein? Hey, je me suis forcé. Oh! Okay. Non, mais moi pas. On dit plus rien. Mon cœur est meurtri. Bon. Saigne du cœur. Oui. Et, ah, saint. C'est ça. Fallait que je plug le mot saint. Est-ce que tu nous présentes tes chansons? Est-ce que vous voulez? Ben oui. Le plus vite possible. Ben, en fait... D'abord, la première, c'est Danse la poutine de Omnicron avec TTC. D'abord, vous aimez les saints, ben eux, ils aiment bien chanter et faire l'ode de ce genre d'anatomie, de partie d'anatomie. Donc, ça parle de saints dedans, là. Oui, ça fait la géographie de cette partie d'anatomie. J'ai l'air pas à l'aise, on dirait, c'est juste que... Je sais pas, tu trouves? T'es pas à l'aise avec les saints? Ben non, c'est pas ça, on dirait que je bredouille depuis tout à l'heure. Bah, c'est, bredouille. C'est ton deuxième nom. Mais je vous laisserai. Par contre, je vous laisserai pas dans la brume et on va écouter Danse la poutine d'Omnicron et TTC. Je vais vous expliquer pourquoi après ça j'ai choisi cette chanson-là en fonction du thème. Donc on écoute à l'instant Omnicron et TTC. Oui. Dans la langue dans ton oreille, c'est fou. Oui. Frites dans l'huile. Deux, fais-les cuire, c'est facile. 3. Ajoute la sauce et le fromage squish squish. Dans ton estomac, des sensations magnifiques. 1. Trempe les frites dans l'huile. 2. Fais-les cuire, c'est facile. 3. Ajoute la sauce et le fromage squish squish. Dans ton estomac, des sensations magnifiques. Oh oh oh oui, c'est nous. Ici, d'abou. Assiettes sont pleines, fromage, patates, sauce, sont des trucs qui s'aiment. Hamburger aussi pour moi, s'il vous plaît. Ma bouche est tellement pleine que je vous fiche la paix. Y'a du steak ici, gros comme dans les Flintstones. Les deux bons sont tellement pleins qu'il y en a qui tombent. Serre-moi une poutine chaude, c'est la pizza chaude. Pas de vulgaire bouillante, je veux une classe. Je ne pense qu'à mettre une seule chose dans ma bouche. Une meuf qui me fait déguster de la poutine à la louche. Bien déchiré, c'est ce que j'aime. Il faut éponger tout ça. Demoiselle, une fois rassasié, je peux m'occuper de ton cas. Après la fête, c'est à la banquise, tu vas pour te restaurer. Une poutine chaude, c'est ce qu'il te faut pour te réchauffer. Omnicron, TTC, saute en l'air pour te réchauffer. Bière, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer. Tout le monde de Montréal à Paris, danse la poutine. Si ça va pas dans ta vie, danse la poutine. J'oublierai tous tes soucis, danse la poutine. Danse la poutine. Danse la poutine. Et tout le monde de Montréal à Paris, danse la poutine. Comme Fred Astaire sous la pluie, danse la poutine. De Rachel à Saint-Denis, danse la poutine. Danse la poutine, danse la poutine. TTC Omnicron, ramène tes plus belles copines. Fais-moi voir ta poutine comme elle découline. J'aime faire trompette avec les meilleurs frites. Aujourd'hui c'est la fête, encore un nouveau hit. C'est pas 5h du matin, la meilleure course. Au fromage et fondu, on arrive jusqu'au bout. Baby bouge ton bout sur la table du fast-food. On débarque à l'eau. Et tout le monde de Montréal à Paris, danse la poutine. Si comme ça va pas dans ta vie. Danse la poutine. T'oublieras tous tes soucis. Danse la poutine. Danse la poutine. Danse la poutine. Et tout le monde de Montréal à Paris. Danse la poutine. De Québec à Chicoutimi. Danse la poutine. De Trois-Rivières à Granby. Danse la poutine. Danse la poutine. Danse la poutine. C'est Danse la poutine avec Omicron et TTC tiré de l'album Top Banane. Top Banane. Ouais, en fait, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? D'abord, ça prenait les bananes, donc on le trouve avec le titre. Mm-hmm. Ensuite, pourquoi parler de cinq? Comme je l'ai dit, TTC et Omicron aiment bien en parler. Oui. Surtout, en fait, Omicron, surtout dans leurs plus anciennes chansons. Pas dans celle-là en particulier, mais en général, ils parlent comme pas mal. Le message est subtil quand même. OK, quand même. Dans sa poutine. C'est pas nécessairement frites sauce fromage. Oh! Que vous pensez. Et la lutte était le troisième thème à insérer dans ta chronique? Oui, parce qu'on veut se battre pour manger une poutine. Puis eux voulaient absolument manger une poutine, donc c'est la lutte pour manger une poutine. Et l'autre raison, c'est que Omicron a déjà fait un duo avec Numéro qui s'appelle Chewing-Gum Fraise. Oui, vodka caramel Chewing-Gum Fraise, truc. Ouais, quelque chose comme ça. Puis parce que Numéro a fait un album qui s'appelle Combat. Je vais vous le retrouver. Oui, l'ultime combat, sport, combat, la vie est un sport de combat, je sais pas quoi. Là. Ouais, quelque chose comme ça, je me rappelle. Il y avait combat dedans. Oui, je vais le retrouver tout à l'heure avec des recherches plus fouillées. Voilà. Donc, tu as réussi pour ta première chanson. Tu en avais trois à trouver. Ouais. Thème et trois chansons pour meubler ta chronique à l'angle de ton oreille. Quelle est ta deuxième pièce? Oui, en fait, la deuxième pièce, c'est le point sonore de Lila. Là, vous allez me dire, ben, des lilas, c'est pas comme des bananes. C'est pas du tout la même chose. Non, c'est... Mauve, ça. C'est mauve. C'est mauve. Oui, pourquoi? C'est très simple. C'est, je l'ai cherché loin. Là, il faut être très attentif. Si ça vous tente. On écoute. Pika, pika, snooze! Oh, man. C'est quoi cette idée-là que t'as eue? Je sais Mathieu? Pas. Mathieu? Pourquoi tu lui as demandé ça? Deux chroniques plus tard, puis il est encore avec une référence d'une chronique d'il y a une heure. 8 heures? 8 heures environ, hein. Je voulais voir si t'allais être attentif tout le long de ma chronique. Pas un bel choix, hein? Ouais, tu peux. On peut pas dormir avec David, là. Non, hein. Là, littéralement, on peut pas dormir avec David, s'il voudrait pas. Mais non, il dit pika pika toute la nuit. Tu sais, quand tu dis c'est pas le fun d'entendre quelqu'un parler au lit, ben c'est ça. Donc, le poissonneur de Lila, en fait, c'est la version reprise par trio parce que le poissonneur de Lila, c'est une chanson de Serge Gainsbourg. Ça me disait quelque chose. Oui, et je vous avertis. Et là, c'est là le thème avec la lutte et la boxe, c'est que le refrain rentre dans la tête et vous allez vous battre pour vous l'arracher hors de votre tête. Oh, okay. Tiré par les cheveux, ouais. Ouais, je le sais. Comme mais un lutteur allez... tiré par les cheveux de l'autre lutteur. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et la deuxième raison, c'est que Gainsbourg, des fois, il aimait ça faire le singe. Surtout quand il s'appelait... C'est ça, les bananes? Le lien avec les bananes? Ouais, les singes bananes, exactement. Puis les singes comme dans un singe. Ah hein? Non, les singes, je vous l'explique après. Ah, OK. Ah, okay. C'est une surprise. Ben, pas après la toune, mais c'est ça. C'est qu'en fait, Gainsbourg, à la fin de sa vie, il s'appelait Gainsbourg. Okay. C'est un surnom qu'on lui donnait parce que c'est le côté pouilleux, crado, donc, impoli. Oui. Aussi, j'avais pas pensé des à ça. Des nibards comme des saints. Puis wow. Il s'est tapé les nibards de Brigitte Bardot. Aussi. Donc, le lien. Mais pourquoi les saints? C'est que Charlotte Gainsbourg, qui est sa fille, va jouer dans Nymphoman, qui est l'histoire... Nymphomaniac, pardon. Qui est le nouveau film de Lars von Trier et qui va sûrement sortir très bientôt. Et Nymphomaniac, est-ce que c'est l'histoire d'une nymphomane qui raconte sa vie et ses tripes? Et justement, on va voir les saints de Charlotte... La jolie Charlotte Gainsbourg, on surveille ça, c'est sûr. Oui, et j'ai une petite anecdote concernant Nymphomaniac, c'est que Chaya... Bon, partir ton fond, ouais, Mathieu, il a hâte de jouer la toune. Je pensais qu'on était rendu en musique. Vas-y. Mais c'est ça, c'est que Chaya LaBeouf joue... Chaya LaBeouf joue également dans Nymphomaniac. Et selon ce que j'ai vu dans les nouvelles de sites de cinéma, ça a l'air qu'il aurait envoyé une sextape qu'il aurait filmé avec sa blonde pour montrer qu'il était capable de jouer le rôle d'un nymphomane. C'est qui sa blonde? Je sais pas. Okay. Faudrait faire des vrais. Ok, je comprends. Je viens de comprendre. Faut que j'aille faire mes recherches moi-même, tu sais. Hein? Hé, là, Mathieu, qu'est-ce qu'on va faire avec Mathieu? Je sais pas, là. André, j'ai comme pas compris ce qui vient de se passer, donc... Je voulais savoir c'est qui la blonde de Charaba. Ouais, pis... Pour voir la fameuse La fameuse audition. Scène. Ah, ok. Ok, laisse faire. Mais bon, donc, on va écouter sur ce petit malaise, on va écouter les points sonores, le point sonore de Lila, mais reprise par Trio. Dans la langue dans ton oreille, à l'émission Assemblage Requis sur ses... Sonneur de Lila, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour te l'emblier dans ma veste, les extraits du Reader Digest. Et dans le bouquin, y a écrit que des gars s'en coulent douce à Miami. Pendant ce temps que je fais de zouave, au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de sommeil. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des petits trous, entre les petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, entre les petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Bon ça va, vous avez le morceau dans la bouche là ou quoi ça? Je suis le poinçonneur des lilas. Ah ouais. Pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète. J'ai dans la tête un carnaval de confettis. J'en ramène jusque dans mon nez. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague. Je vois des vagues. Et dans la preuve du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille. Et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Alors vu que c'est la fête ce soir, on pourrait peut-être demander à notre Argentin s'il connaît Gainsbourg et comment résonne en lui le poinçonneur. Hé, hey, Pablo, si carrément le poinçonneur devenait Argentin, débarqué à poupée aux percussions, ça donnerait quoi? On écoute, attention à vous, Pablo Mendes. Et si le poinçonneur des lilas se transformait en violoncelle avec Frédéric Deville? Alors vas-y Fred, ça donnerait quoi? Tout poupé, ça coûte tout. Un de ces métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la vie de l'air et laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai plus devant. Je fais des petits trous entre petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a toi de virlingue. De quoi se prendre un flingue. C'est un petit trou, un de mes petits trous. Un petit trou, un petit trou, un de mes petits trous. Et on mettra dans un grand trou. Et j'entendrai plus parler trou, plus jamais trou. Petit trou, petit trou, petit trou. Serge Gainsbourg. Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Snooze. Ah. Ah, ben t'as réussi à arrêter la chanson. Oui. Oh, on va se rendormir. Non, je pense pas avec une chanson de même. Mais j'ai le refrain dans la tête et je pense que ça va durer une semaine. Mais bon, c'est toi qui l'as fait jouer. Hein, oui. Donc, ce sera toi le coupable si quelqu'un a cette chanson-là dans la tête. On appelle David Ferron au 819. Non. 819, je sais pas. Je sais pas, ça sera, va être ça. 819, je sais pas. 819, je sais pas. Donc, David, c'est ta chronique thématique de la langue dans ton oreille. Édition spéciale, tu nous as demandé en début d'émission, encore une fois, nos thèmes qu'on choisissait. Stéphanie avait dit banane, Jean-Philippe la lutte, moi les saints. Et tu as cherché des chansons qui avaient un lien avec ces trois thèmes-là. Il t'en reste une dernière. Oui, et là, ça semble tiré par les cheveux. Je sais, mais je vais vous expliquer tout. Au fur et à mesure de mon topo, c'est que, en fait, ce qu'on vient d'écouter, c'est le point sonore de Lila, reprise par Trio, initialement chantée par Serge Gainsbourg. Ouais. Et là, la prochaine chanson, c'est La nuit je mens d'Alain Bachong. Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le combat ou la boxe, je sais trop quoi, banane et les seins. OK. C'est quoi d'abord le rapport avec les bananes et les seins? C'est ça? Oui. Exactement, je vais tout vous expliquer ça. D'abord, Josephine Baker. Okay. Josephine Baker, c'est une espèce, c'est une chanteuse de musical, si tu peux dire ça comme ça, née aux États-Unis, mais qui a fini sa vie en France. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue une méga star en France et aussi aux États-Unis parce que Josephine Baker est noire. Donc, dans une époque où parce qu'elle c'était vraiment milieu, première moitié du 20e siècle. L'époque, si on contextualise l'époque, donc beaucoup de racisme. Et là, en France, c'est sûr qu'en France, il y en avait aussi, puis il y en avait partout, puis il y en a encore, malheureusement, la bêtise humaine étant ce qu'elle est. Et là, Josephine Baker s'est exilée en France avec ses nombreux enfants parce qu'elle a adopté, je sais pas trop combien d'enfants, mais elle pourrait s'ouvrir un CPE avec ses enfants. Oui, disons qu'on pourrait dire Baker's Dozen, comme ils disent en anglais. Baker's Dozen, ça veut dire t'en as 13. Ah, pour vrai? Parce que t'es passé à mettre 13 dans une douzaine, 13 à la douzaine, c'est là? Oh! Baker's Dozen, puis elle s'appelle Baker. Oh, c'est bon, merci. J'aime ça. Ouais. Elle s'est bien blague que pas grand monde comprend. Et c'est juste que, dans le fond, Josephine Baker, chaque fois qu'elle ouvrait des spectacles, elle arrivait avec une espèce de robe de banane. OK. Donc, on a les bananes singes. Mm-hmm. Et là, elle aimait bien singer avec ses jambes parce qu'elle avait une espèce de mouvement de jambes, c'est-à-dire qu'elle ouvrait, fermait ses jambes assez rapidement en position de squat. Okay. Donc, c'est comme une marque de commerce. Et là, Josephine Baker, on pense à donc Josephine qui a dû lutter pour sa vie, donc boxer pour avoir sa place en tant que chanteuse. Mm-hmm. Eh bien, quand on pense à Josephine, on pense à Oser Josephine de Alain Bachon, qui est un de ses plus grands hits. Et c'est pas celle-là que tu nous fais jouer. Et donc, oui, non, c'est pas celle-là en non, effet. C'est ça. Mais une chanson que j'adore, La nuit, je mens, parce que pour certaines personnes, la chanson Heard de... Ben, en fait, je dis Johnny Cash, mais c'est pas lui qui l'a écrite. Est-ce que tu le savais, Mathieu? Non, non. C'est tout, tout ce que je sais, c'est que tu parles de singes et de personnes afro-américaines. Ça fait très raciste. Je voudrais pas qu'on ait des plaintes. Là. Ben non, pas du tout, parce qu'au contraire, je permets de faire l'éloge de Josephine Baker, qui est une très bonne chanteuse. En la faisant pas jouer. Ben, je le sais, mais c'est parce que le son, vu que c'est des vieilles chansons, le son est pas fort. Ah... Pour ça aussi, ça aurait été difficile. Puis toutes les reprises après n'ont pas été satisfaisantes. Mmh, donc, j'aurais voulu faire jouer du Josephine Baker, mais c'est pas évident. À la place, on y va par la bande avec un petit peu d'Alain Bachon. Oui, grâce à Alain qui, lui, pour moi, est un saint de la musique francophone. Donc, la thématique avec les saints. Ah! Et donc, quand lui, je pense à lui, c'est vraiment, ça vaut tous les bananes du monde. Et sérieusement, c'est pas quelqu'un qui fait des singeries quand il fait des chansons. Bon, donc on écoute La nuit, je mens d'Alain Bachung, oui, à l'assemblage Ricky. Exactement. C'est la langue dans ton oreille. Oui. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. plonger dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait la mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. C'était La nuit je mens de Alain Batch. Je recommence. Achtung! C'est la. C'est attention en allemand. Oui, exactement. Mais c'est le retour de Stéphanie, ça m'a tellement ému. Ému? Non, ému comme l'animal. C'est ça, j'allais dire le chum à l'autruche. Emule, le chien, là. Ouais, je sais plus. De quoi qu'on parlait? Oui, on parlait de La nuit je mens d'Alain Bachon, qui s'est tiré de son album Fantasy Militaire, qui est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre des années 2000 au niveau de la musique francophone. Et là, on parlait de Heart de Johnny Cash, puis j'ai pas pu terminer mon point, mais c'est pas grave, on a du plaisir. Termine-le, quand je t'ai coupé, moi. Ben non, c'est pas ça, c'est que je parle tellement, j'ai tellement d'idées que je finis pas mes idées. Ben non. C'est affreux, hein. Comme un vrai artiste peintre qui termine pas sa toile. Ouais, ça, c'est comme avoir la suite dans les idées, mais. Ton idée précédente finit sur un queue de poisson. Un queue? Une queue? Un queue. Une queue? Okay. One queue? Une queue? One queue. A poison? Yeah. Some poison? Boop, boop. One, two, three, four. Tweet, one, two, three, four. Poison like the boys band from the 90s. Exactement, exactement. Ouais, un scorpion. Oui, puis il y avait aussi poison. Oui. Merci, David. Bienvenue. C'était très, très, très loin d'être proche du thème, mais par la bande, t'as réussi à t'y rendre et on apprécie. Tu devrais pas faire cette idée-là trop souvent, mais c'était un bon concept à la base. Moi, j'ai pas senti l'esprit de la banane du tout, du tout. Moi non plus, mais c'était très, très loin, très loin. La banane, c'est qu'en fait, quand vous mangez une banane, vous savourez les chansons en même temps que vous savourez une banane. C'est tout simplement ça. Et que banane, c'est pays du Sud et que pays du Sud, on parle de soleil. Donc, ces chansons-là sont supposées de vous mettre du soleil dans vos cœurs. Tout est un lien pour David Perron. Donc, on a inséré Lutte, banane et saint. dans sa langue dans ton oreille. Son segment qui revient aux deux semaines, les mercredis matin à 8h. Et on t'en remercie. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Encore une fois. T'es remercié de tes services, David. Merci. Je te remercie de tout ça. Dans le sens de... Oui. Pika, Pika, Snooze. The Devil Pikachu. Devil Pikachu, c'est David Ferron. C'est comme ça qu'on l'appelle. On devrait le tenir en laisse. Bonne chance. On le retrouve aussi aux deux semaines, mais en alternance avec Assemblage Ricky au Palmarès C'est Fou, les jeudis entre 15h et 18h pour brancher le monde. Ah, fiu, c'est pas demain, ça veut dire? Non. T'as une semaine de relaxation. Puis t'es mieux de pas plugger trop de nourriture cette fois-ci. Justement, hier, je buvais une bière, je trouvais qu'elle goûtait sushi. Attends un peu, là. Est-ce qu'on se rappelle du lien? C'est que on avait parlé de Pop-Tarts à un moment donné en onde, et David nous avait amené des Pop-Tarts. On a parlé de Bar Mars, il nous a amené des Bar Mars. T'as parlé de sushi, là, pour qui t'amène des sushis. Exactement. Et de la bière. Subtilement. Subtilement. Donc peut-être d'ici à jeudi prochain. Ah, demain, il peut venir s'il amène des sushis puis de la bière. Là, moi, j'ai pas de problème avec ça. On vient d'augmenter son budget, là. Des Pop-Tarts, ça coûte que 3 piastres. Une boîte d'Oreo. Une boîte d'Oreo, en effet. 3 piastres, 4 piastres. Donc, bière et sushi, on t'en sortira pas en bas de 30. Ça dépend si c'est Wildcat puis des sushis d'épicerie. Métro, hein? Exact. Ça va être sushi maison. Bonne chance. Ah, pourquoi pas? Hey, on prend une pause pour pouvoir faire Skinky Sexy Time dans quelques minutes. Oui. Si on veut se rendre jusque-là, on ma deuxième chronique préférée. Ben oui, ton top 5. Après la langue dans ton oreille, évidemment. Ça, c'est dans le top 25. Oh. La scène émergente. Oui, qui rit de s'écraser. Qu'il se donne ou qu'il se... 89. 1. Le plan de demain à Assemblage Requis. Demain, Maxime Bilodeau nous expliquera la règle des 10 000 heures dans sa chronique d'une foulée à l'autre. On recevra Adjie Durocher et Jasmine Raymond-Dreville pour leurs chroniques respectives et on jasera de politique avec François Landry et son segment Logocratie 101. C'est demain, 7h, à Assemblage Requis. Salut. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Requis. Il est 8h43, toujours avec David Ferron. Rebonjour, et d'ailleurs, je tiens à dénoncer Stéphanie Paradis. Pourquoi? Parce que là, t'as dit on va parler de Kinky Sexy Time, puis là, Stéphanie avait comme on va parler de sexe avec David Ferron. Wow, je dégoûte, c'est comme ça dit on va parler de littérature avec Jeff Fillion. Et Stéphanie Paradis, bonjour. Salut. Ça, tu commences par toi, ça. Et moi, c'est Mathieu Plante. J'ai rien contre David, moi. Non, t'as rien. C'était juste pour piner Jeff Fillion, en fait. Ben, c'est réussi, hein, des blagues de pinage de Jeff Fillion. Hein, on se croirait en 2007. Mais j'en histoire, hein. Donc, t'es un gars vintage, rétro et old school. Voici Kinky Sexy Time. Mmh. Non, come on, Mathieu. Mais là. Fais-le, toi. On dirait que tu manges une barre Mars. Non, pas dans les fesses. Dans la face, la Mars. Barre Mars dans les fesses. Voyons, c'est normal. Hey, c'est de la chronique pour les... Non, David s'en vient. Attention. Oh, David s'en vient vers moi. Il t'a fait une... Il m'a fait une flagellation... faciale de barre Mars. C'est détestable. Donc, oui, Kinky Sexy Time, chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Donc, faites attention si vous êtes cœur sensible ou que vous aimez pas entendre les mots médicaux pour des endroits qui se situent sur le corps vers la moitié ou un petit peu plus... bref, du corps, là. Les parties du corps, hein. Voilà. Commençons avec le livre 50 Shades of Grey, 50 nuances de grey. Hein? Le mot sexe, devine combien de fois il apparaît? Dans les trois tomes ou dans le premier seulement? Seulement le premier. Zéro fois. Je dirais 472. Ah, t'es trop loin, donc tu perds, David. Zéro. Zéro, tu gagnes. Mais est-ce que t'as le droit de miser zéro à Price is Right? Hein? Mais tu gagnerais parce que d'habitude, quand tu dépasses, tu perds. Ah. Donc, David, bravo, c'est 275 fois. Ah, non, c'est parce que moi, je suis allé avec les trois tons, je me suis un peu mêlé. Ah, ouais, c'est ça. Des excuses. Normalement, ça ne prend que 2 cuillerées à table de sang pour mettre le pénis de l'homme en érection. Ah. 2 cuillerées à thé de sang. Adolf Hitler, les rumeurs disent qu'il est né qu'avec un seul testicule. Achtung! Achtung! Achtung! Quand c'est pas une achtung! les humains, les hommes qui souffrent, les male humans, ça me dit les male humans, non, juste les hommes. Les humains mâles. qui souffrent de la rage peuvent des fois éjaculer, ne peuvent pas contrôler leurs éjaculations. Donc jusqu'à 30 fois par jour. Quand t'as la rage, ça, ça te fait... Ça s'envole partout. Ch'toum! À chaque seconde, l'industrie de la pornographie fait 3 000 $. Si on fait ici! On avait choisi notre location. C'est ce que certains disent, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Deux hommes sur trois, on a du fun. Deux hommes sur trois disent qu'ils auraient des relations sexuelles pour l'argent. Il y en a qui sont tellement à l'argent, ils auraient des relations sexuelles juste seulement pour le cash. Deux personnes sur trois, deux hommes sur trois. 16% le ferait pour 150 $ ou moins. Quel serait votre montant? ça dépend de sa face. Parce que ça, s'il est là, le prix monte. OK. Ça dépend des demandes aussi. Oui, si c'est bizarre, le prix monte aussi. Ah, tu veux dire ce qu'il veut que tu fasses. Oui, c'est okay. Ça. Si c'est bizarre. Si c'est standard. OK. Mais où est ta ligne si on veut pas. Bon, on veut savoir, mais pas en nom. Hein. Honnêtement, c'est très cher. Oh! Dans une étude récemment, on dit que 75% des étudiants hommes okay, ont répondu oui lorsqu'une femme attirante les a approchés pour leur demander s'ils voulaient avoir des relations sexuelles. Donc 75% des hommes ont répondu oui si la fille était belle. Belle, tu sais. Belle. Hein? C'est évident. 50% des Américains, des hommes américains, portent des culottes, des bobettes. 40% portent des boxeurs et 10% portent des boxer briefs, donc la combinaison entre les deux. Les moulins, genre? Ou Ben, genre les petits, tu sais, les boxeurs un petit peu plus serrés. Là. OK. Puis que ça roule ses cuisses, là. C'est ce que j'ai entendu oui, dire. Oui, exactement. Tout à fait. Non, ça remonte tout le temps, ces affaires-là. C'est pas le fun, c'est parce que ça vient comme teint. Ouais, non. Poignée dans l'aine. Poignée dans l'aine. Bon. Ben, bon. Juste fait le soir, ça, quand tu le gardes 10 minutes. C'est ça. Je dirais bobette ou encore boxer briefs, mais très, très serré. David? Ben, des bobettes confortables. Ouais. Steph? Quoi? G-string. Non, un gars qui a un G-string, non. OK. Mais qu'est-ce que tu préfères chez un gars? Chez un gars? Ouais. Tout nu. Parfait. 40% des gens ont des fantasmes qu'ils aimeraient se faire regarder par d'autres gens en train d'avoir, eux, des relations sexuelles. Pas les autres gens, mais eux-autres même. Ils aimeraient ça se faire regarder. 40% selon une étude. Je sais pas. C'est pas beaucoup? Ça. Ouais. Faut que tu sois à l'aise? Ouais. Au lieu d'être bon? Ouais. Ouais, tu te forces, hein? Mmh. T'es observé. Prends des notes pis tout, là. C'est un spectacle? Un stage. Old Maid's Insanity, c'est une pas une maladie, mais... comment dire? C'est un slang. C'est un terme slang. C'est les gens qui croient que quelqu'un qui les connaît à peine est en amour avec eux en secret. Donc, old maid's insanity, donc l'insanité de la vieille femme de ménage ou bonne. Donc, c'est qu'elle pense, cette personne-là, avec ce syndrome-là, pense que quelqu'un qui la connaît à peine va être en amour avec. OK, OK. C'est un peu le j'aimerais ça avoir un admirateur secret. Là, c'est ça. Puis, C'est genre la seule raison qu'on n'est pas en amour et qu'on vit pas ensemble, c'est parce que l'autre personne ne m'a jamais parlé. T'sais. Ah, ben oui, OK, OK. C'est stalker un peu, là. Genre, ouais. C'est un peu ça. C'est un désordre. Old maid's insanity. Lors des relations sexuelles, en plus de l'appareil génital et de la poitrine, l'intérieur du nez va aussi prendre de l'expansion. Lors des relations sexuelles, l'intérieur du nez va enfler. Ah! Enfler? Donc, tu respires moins bien ou c'est les narines qui élargissent? Ah, ben bonne question, mais c'est l'intérieur du nez, donc inner nose, qui va enfler. Donc, j'imagine que ton nez reste de la même grandeur. OK, donc t'as de la misère à respirer. D'après moi. OK. D'après moi, c'est ce que je comprends. Se toucher, c'est bon pour toi. Et toi, le jeune, c'est bon pour toi. Se toucher deux à trois fois par semaine va ajouter, selon une étude, 2 ans à ta vie. Non! Mais 2 à 3 fois par semaine à vie, j'imagine. C'est pas une fois, ça va te racheter 2 ans. Une semaine. Non, deux je autres. Pense pas, okay. Hein. On serait éternel. Ben, si c'est pour se toucher 2 fois par semaine. plus de relations sexuelles tu as, plus tu vas vivre longtemps. Parlant de vivre longtemps, un orgasme va apparemment ajouter 10 minutes à ta vie. Bon, ça, c'est cumulatif? Ah, ben là. Je sais pas. Je sais pas, j'aimerais ça. C'était mieux de trouver l'homme de ta vie. Mmh. Ouais. Se faire botter dans les noisettes. Hein, dans les testicules, là. L'entrejean, comme on dit. Ça va dépasser les 9000 DEL. Donc ça, c'est des unités de douleur. C'est similaire à donner naissance, donc accoucher à 160 enfants et se briser 3200 os. 9000 unités DEL. Se botter dans les... Mais ça dure pas aussi longtemps, j'imagine. J'imagine. Ça doit être plus instantané. Tu sais, je veux dire, l'os, d'après moi, là, se faire briser autant d'eau dans le corps, tu dois souffrir à long terme. Oui. Hein. J'espère que 3000... On a combien d'os dans le corps, ça? Je sais pas si... 230 quelques, je pense. Okay. Donc, ce serait de ces brisés qui guérissent, les rebriser, mais tout ça en même temps, ça. Oh. Ah! 3200 os. Mais en plus, si tu bottes ça avec des bottes à cap d'acier... Ouais! Est-ce que l'autre, est-ce que quelqu'un pourrait frapper assez fort pour se casser la jambe tout en faisant mal à l'autre? Je pense pas. Comme le joueur de basketball. Ah, mon tête. Ah oui. Le... On n'en reparle pas trop, là, mais Kevin Ware, en fait. Les femmes hétérosexuelles sont, sont facilement, excitées, si on veut, par les hommes qui ont une voix plus grave lorsqu'ils leur soufflent à l'oreille. Donc apparemment qu'une voix, plus la voix est grave, plus ça va exciter la femme. Mais je pense que ça marche aussi à l'inverse. Une voix plus basse va être plus... Ben, même pour une femme, pour l'homme, c'est plus excitant parce que ce que j'ai entendu, c'est que pendant l'acte, la voix va descendre un peu. Non. Donc, c'est comme si ça y a un petit lien avec l'acte sexuel et l'excitation. Ils vont plus, ça. je sais pas, les voix graves, je sais pas, pas sûr. Pika, snooze. Ouais, mais si tu chuchotes ça à l'oreille, je pense que ça s'annule. Un peu moins excitant. Un garçon de 10 ans en Angleterre a dû vivre une chirurgie d'urgence pour rattacher son testicule après avoir reçu un wedgie. Tu sais, wedgie, c'est quand tu fais rentrer tes bobettes. Quand tu fais tirer les bobettes. Donc, un garçon de 10 ans qui est allé se faire opérer. Mais quel wedgie épique! Bien qu'il y ait passé, non! Oh. Pika, pika! Hein, David? Une sieste le jour va renforcer ta libido, ton sex drive et ton système immunitaire. Donc, prendre une sieste le jour, c'est bon pour ça. Ah, c'est bon ça. La libido. Est-ce qu'on dit combien de temps ou... Non, mais tu sais, j'imagine une power nap, là, c'est quoi? C'est 20-25 minutes, je pense. 15 minutes. 15 minutes. Si tu y vas trop, là, tu peux pas restarter pour ta journée. C'est que tu pars en sommeil profond, c'est pas c'est ça. Bon. Cajoler un petit ourson en plus, un teddy bear, ça va relâcher les mêmes endorphines qu'avoir des relations sexuelles, ce qui va te mettre de bonne humeur. C'est ça l'utilité aux boules que j'ai achetées. Les boules brunes, c'est ton devant avec des poils? Oui, c'est ça, mes nouveaux coussins en boules, là, que je disais tout le temps, j'ai le goût de leur mettre des yeux. Oui. Ça, j'ai le goût de leur donner de l'amour. Ah, est-ce que tu vas mettre des petits yeux, là, les googly eyes? Moi qui bouge. Qui bouge, c'est drôle. Hein? C'est cute. Là, j'arrête pas de mélanger les boules avec mon chat. Chat, boule. Confusion, t'sais. Mais poêle, surtout. Ouais, poêle. Okay. Est-ce que ta boule de salon est tout en train de faire des dégâts dans le tiers? Pis... Non, ils sont tranquilles. C'est comme ça que tu peux savoir. Oui, c'est ça. Okay. Donc, les gens ont capoté en 1986. Ça a fait que, dans le fond, il y a eu une grosse controverse, des manifestations, etc. Et 5 États américains ont augmenté l'âge de consentement de 10 ans à 13 ou 14 ans, dépendant des États. À l'époque, l'âge de consentement pour avoir des relations était de 10 ans. C'était en 1886. Ouch! Après les relations sexuelles, le corps va produire plus de prolactine, ce qui aide à améliorer l'odorat. C'est l'odorat, oui. Sentir, donc les odeurs, le nez. Ça va améliorer ce sens-là chez les gens après une relation parce que ça va produire de la prolactine. Oh. Tu sens plus. Un peu comme on avait déjà dit dans une autre chronique que prendre sa douche, c'était là que ton odorat était à son meilleur. Ouais, j'imagine que ça ouvre les... Les conduits nasaux. Oui. Elle n'aime pas à Télé-Québec, elle, Nazo. Non, ça, c'est Nazo, Bazo. L'aphalotosis. Qu'est-ce que c'est, l'aphalotosis? Il y a l'air d'avoir phallus là-dedans. Ça, c'est quand le membre te sèche puis tombe. Ça serait pas pire. Non, c'est un désordre mental qui vient après un manque de relations sexuelles. Donc, ça va te mener à l'aphalotosis. Et là, tu vas avoir... l'entre-gens qui va shaker. C'est ce que ça donne. On a l'extrait sonore. Voilà. T'as besoin de ça. Je suis déstabilisé. Peut-être que t'as besoin de ça pour justement avoir une vie sexuelle. Ah, tu vois. On est tous soulagés. Merveille. Ensuite, toujours dans King Sexy Time, la cypridophobie. Qu'est-ce que c'est la cypridophobie? C'est la peur des prostituées. Ah! Les prostituées. Ah! Un coin de rue. Ah! Devil! Ah! Devil! En 2007, un homme de l'Écosse a été arrêté après avoir eu des relations sexuelles avec son vélo dans sa chambre d'hôtel. En 2007. J'essaie d'imaginer... Comment? Où il a pu s'insérer. Ou peut-être l'inverse. Il a pris des morceaux, puis... J'espère que c'est pas dans le petit truc pour gonfler le pneu. On se comprend. Pauvre petit pit, sinon. Non, moi, je pense qu'il s'est plus inséré des morceaux de vélo. Probablement. Le guidon, là, avec les petits foufrous au bout. Je te présente mon amant, Guidon. Guy, moi. Il a une moustache sur son guidon. Guinadon. Ensuite, les iguanes, les koalas et les Komodo dragons, les dragons Komodo, ont tous deux pénis. Ah! Tu sais, sympathique. Mais pas les canards aussi? peut-être. J'ai pas la liste exhaustive. Excusez-moi, ça se peut, les canards. 64% des gens vont changer leur apparence physique après une rupture. Ah, changer okay. de moule, tu sais, changer ta coupe de cheveux, changer, je sais pas, t'habiller autrement. Un renouveau, comme au printemps. Playboy a créé ce qu'on appelle le Karma Sutra, qui est un livre fait spécialement pour les relations sexuelles à l'intérieur d'une voiture. Pas avec une voiture, parce que ça existe ça aussi. Ouais. Ça existe en effet avec l'exhaust. Ça exhauste tout au vœu, comme dirait Jean-Philippe. C'est qui dit ouais. Jean-Philippe. D'accord. Donc, le Karma Sutra des positions dans une voiture. La femme moyenne va passer presque... Je vais vous le faire deviner. Combien de temps passe-t-elle à décider quoi porter dans sa vie, si on met tout ensemble? Au total? Au total. Vraiment longtemps. Si, mettons, tu dis une demi-heure par jour... Bon, ça va être long. Sur 7 jours, 3h30, je sais pas, 3 ans. Un an. Mais parce que je suis pas bonne en maths, là. Non, je vois ça. Mais pour vrai, là, c'est du temps perdu, un an. Tellement. Imagine, là, ça compte pas le temps qu'elle a magasiné, ces vêtements-là. Oui, puis ça compte pas le temps qu'elle est en retard à ses rendez-vous, puis tout ça, ou à sa job, dès qu'elle perd de l'argent, elle aurait pu puncher plus de bonheur, puis avoir une demi-heure de plus de paye. Non, mais c'est non. Incroyable. Non. Qu'est-ce que ça veut dire en allemand, Swaffeln? Swaffeln? Félon depuis 1903. Hein? Non. Donc, c'est un mot allemand qui veut dire frapper son engin masculin contre quelqu'un ou quelque chose. C'est un terme allemand. Tu swaffeln. Va te swaffeln. Comme le bar masque. C'est fun qu'il y ait un terme juste pour ça. Ben, c'est important. Les mots, c'est important dans la vie. Ouais, les Inuits, eux autres, ils ont des mots pour 40 mots pour la neige. C'est là. Un mythe, apparemment, mais bon, quand même. Puis. Non, mais ils ont plusieurs mots pour décrire l'état de la neige. Pas 40. Non, pas 40, là. C'est j'hyperbole. Oui, c'est une hyperbole. Donc, Swaffeln de l'allemand pour frapper son engin contre quelque chose. La personne moyenne va perdre sa virginité à l'âge de 17,3 ans. Ah. Personne moyenne, là, si on fait vraiment une moyenne de tout ça. Le mot pour orgasme en japonais veut aussi dire mourir et se rendre au paradis. Oh, c'est mon cute. C'est dommage poétique. Ben oui. Aucune éthique là-dedans. 98,5% des chirurgies pour augmentation mammaire sont performées sur des femmes d'origine caucasienne. Comment est-ce qu'on dit ça? Caucasienne. Donc blanche ou pas tellement de mélange de races. 98,5%. Genre moi, là. Assez standard. Très standard. T'es plate même, ça te dirait. Ouais. C'est un qui ça? Que j'aille lui péter ailleurs. Mick Conan. Qu'est-ce que la matronolagnie? Matronolagnie. La quoi? La matronolagnie. Matrono, comme un métronome avec un A. C'est pas... tu vas avoir des érections, mais à des temps déterminés. Ah, non. Ah, comme un métronome, finalement. Oui, ah, c'est bon, hein? C'est très bon, très bon. Mais non. Ça a peut-être rapport avec Manolo aussi, mais non. Matronolo. Je sais pas, ça... Non. Donc, c'était une attirance envers les femmes plus âgées. Surtout celles qui ont des enfants. Donc, dans le fond, c'est pas mal une mille. Ouais, c'est le terme scientifique de mille. Exact. Donc, matronolagnia. Ou en français, j'imagine matronolagni. Moi, je le dis de même. Voilà. Donc, c'est milfing. C'est une milfing bonne chronique, comme on dirait. Voilà pour Kinky Sexy Time. On fait ça une fois par semaine, les mercredis vers 8h30. Ça fait du bien. Ouais, ça soulage. Hein? Ça soulage. Je suis sûr qu'on augmente notre espérance de vie. Avec ça. De quelques secondes. Ouais, c'est ça. De 16 minutes, quand même court. C'est bon. C'est bon. On écoute Atomic Baobab, la ride du dimanche. On vient pour se dire bye-bye. Assemblage Ricky sur C'est fou. À The Big Baobab et la ride du dimanche à Assemblage Requis. C'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Donc, on remercie, entre autres, David Ferron. Ça me fait plaisir. Merci encore à vous deux. Jean-Philippe Charbonneau, qui est plus là, mais quand même. Stéphanie Paradis d'être restée jusqu'à la fin. Hey, merci. Merci, Mathieu, de nous accueillir comme ça les matins. Ça nous rend joyeux. Ah, on aime ça. Ça fait du bien. Plaisir. C'est tellement le fun d'être avec des gens qu'on aime. Oh. Hein? À cette émission-là du matin, c'est quoi déjà? C'est quoi le nom de cette émission-là du matin? Hein? De Salut, bonjour. Ouais, non, Assemblage requis. Ah, là, j'aurais pu comprendre c'est que ça ne fait pas dans ton horaire. Non, pas vrai, ça s'appelle comme ça. Assemblage requis, c'est la meilleure émission matinale en pièces détachées de la planète du monde. En ondes depuis septembre 2009. 3 ans et demi. Hein? C'est ça que ça veut dire? Là, on s'aime, on se fait un gros câlin avec les micros. Yeah! Yeah. On inclut Jean-Philippe là-dedans, tous les gens qui s'aiment. Le temps, Jean-Philippe, ah, Marie-Pierre, elle aime Danny, ça, des câlins. Le temps, Dany. Allez, Dany. Virginie. OK, bon, ben, c'est assez d'amour pour aujourd'hui. On se quitte avec, avec une autre pièce. T'sais. Ah, tiens, je vais choisir une pièce, Stéphanie. T'es pas là pour choisir ta musique. Hasard. Au hasard, vraiment. Hey, est-ce qu'elle fait là, Lisa Leblanc? Oh, come on. Elle est revenue, là? Ben, je sais pas, elle traîne là. Ah, mets-moi ça. Modern Superstitions. Ouais, mais ça, au hasard, là, sont toutes bonnes. Ben, tu l'as écouté, donc on sait que c'est de la qualité. Oui, j'adore cet album. La pièce Last Night's Dress est sur le palmarès, donc écoutons-en une autre. Hometown Radio, tiens, pourquoi pas, vu que c'est dans une radio de ville, finalement. Hein? Ben oui. Trois-Rivières City. Hey, hein? La grosse ville, building. Yeah. Bon, hey, bonne journée, merci pour le dîner de con avec Danny Janvier qui s'en vient à 11h. Après ça, en après-midi, le voyage de Sénite et album classique en rappel. Après ça, de retour en direct dans mes écouteurs, émission de Indie Rock avec Joanie Gagnon, Rap Fusion ensuite et le Big Mac Show, deux émissions de rap. À 19h, c'est électro-tactile en électronique et ça continue avec Psy-TR à 21h et Transformer à 22h. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, facebook.com/assemblagerequis, twitter.com/asrequis. Puis là, j'ai assez dit bonne journée pour qu'on y aille vraiment en musique. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Pika, pika. Snow.